Mesdames et messieurs, bienvenue dans le quatrième épisode du podcast Fucolotto. Chaque émission regroupera 4 passionnés de jeux vidéo qui viendront s'exprimer au travers de 3 rubriques. Le choc biologique, durant lequel nous parlerons chacun d'un jeu qui nous a chamboulé en bien ou en moins bien. Nous continuerons sur l'ombre du colosse, où nous parlerons d'un élément précis d'un jeu, une mécanique, un costume, une musique, un level design, etc. Et nous conclurons sur la dernière fantasy, un espace où chacun pourra faire une recommandation, tous médias confondus. Moi, c'est Le Masque, je suis accompagné de l'indétrônable Aka. Salut Aka. Salut Le Masque. Eh ben, je suis content d'être là, parce qu'on a fait une grosse pause depuis la dernière fois. Oui. 3-4 mois. Il s'est passé pas mal de choses niveau vidéoludique. Et aujourd'hui, on est accompagné d'un nouvel invité et un ancien. Notre nouvel invité, c'est PH. Salut PH. Bonsoir. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. T'es content d'être là? Oui, mais par contre, je sais pas, j'aime pas trop les jeux vidéo, alors je sais pas pourquoi je suis invité. Bon, c'est pas trop pourquoi on t'a invité non plus, mais... Ok, ça va. On peut en parler de plein de choses intéressantes. Ah, j'en suis sûr. Ok, super. Tu peux te présenter vite fait? C'est PH, j'ai 33 ans, je suis technicien audiovisuel, et je suis un très grand fan de cinéma, de musique, et voilà, c'est tout. C'est déjà beaucoup. T'aimes le hard rock, je crois, non? Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et en plus, nous avons PE avec nous, qui nous avait rejoint lors du deuxième épisode. Comment ça va, PE? Bonsoir, ça va très bien. Content d'être là? Bah oui, toujours. On t'a pas trop manqué? Bah on s'est revus, mais vu qu'on n'est pas enregistré tout le temps, les gens ne le savent pas. Quel dommage. Exactement, tu viens de révéler un secret. Là. Voilà, c'est ça. Nous ne nous filmons pas et nous ne nous enregistrons pas tout le temps. Bon bah si tout le monde est prêt, on va commencer à la partie du choc biologique. Et je pense que c'est moi qui vais entamer les hostilités. Exactement, vas-y. Comme à chaque fois. Dans un monde merveilleux, peuplé principalement de mignons petits insectes, un mignon petit perce-oreille erre dans la nature. Armé de son petit aiguillon, notre coquille vide apprend les rudiments du combat et des déplacements en se frayant un chemin parmi des tunnels grouillant de timides charognards sur pattes. Au bout du chemin, des anciennes inscriptions gravées sur une stèle lumineuse annoncent l'entrée du royaume éternel, Alunest. Une fois passé l'immense porte scellée, notre petit héros tombe sur le village abandonné de Dursmouth. L'ancien, qui est l'unique âme présente dans cette ville fantôme, prend la parole. Bien le bonjour, voyageur. J'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps. Tous les autres résidents ont disparu. Un par un, ils sont descendus dans le puits pour rejoindre les cavernes plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine il y a bien longtemps. Mais il attire toujours tout un tas de monde dans ses profondeurs. Richesse, gloire, illumination. Ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi. L'air en bas est malsain. Les créatures deviennent folles. Les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Rassemblant son courage, le petit perce-oreille tout mignon saute dans le vieux puits au centre du hameau, bien déterminé à percer les mystères des profondeurs. Alors ça, c'est comme ça que commence le jeu Hollow Knight. C'est le jeu auquel je vais vous parler ce soir. Je sais pas si vous connaissez. Si, si. De nom aussi. Toi, Le Masque, tu avais un petit peu joué, non? Ouais. Ouais. Et PHPE, pas du tout? De nom seulement. Oui, pareil. De nom. Mais jamais joué. Ok. Alors Hollow Knight, c'est un Metroidvania qui est fortement inspiré de Castlevania Symphony of the Night. Et en fait, ce jeu a été développé par la Team Cherry. C'est un studio australien qui est composé de 4 personnes. Donc ils ont été que 4 pour faire ce jeu qui a vraiment beaucoup marché, qui a un succès d'estime incroyable. Vous avez Harry Gibson et William Pellen qui sont tous les deux co-directeurs. Harry Gibson, lui, il travaillait dans l'animation au départ. C'est pour ça que dans le jeu, il y a au niveau animation, franchement, c'est top. Je sais pas si vous avez vu déjà à quoi ça ressemblait. Ouais, moi j'ai vu des vidéos. Mais franchement... Ouais, c'est super beau. C'est magnifique. Le troisième, c'est Jack Vine, c'est le codeur. C'est le seul qui s'est codé dans l'équipe, donc il était tout seul pour faire tout le jeu et pour faire les adaptations console après. Donc le mec était quand même balèze. Et le quatrième, c'est Christopher Larkin, le compositeur, c'est lui qui a composé les musiques du jeu. Et vu que les mecs, ils venaient pas trop du jeu vidéo à la base et qu'ils n'avaient aucun financement, ils ont lancé un Kickstarter pour financer le jeu. Ils ont demandé 35 000, donc c'est vraiment pas beaucoup pour un jeu vidéo. Comment tu dis, c'est 35 000 euros. Ouais. C'est codal pour faire un jeu vidéo. Et ils en ont récolté que 57 000, donc c'est déjà plus que ce qu'ils avaient demandé, mais ça reste toujours pas beaucoup du tout pour faire un jeu vidéo, pour financer 4 personnes à temps plein. Je crois qu'ils ont mis 2, 2-3 ans quand même pour faire le jeu. Ah oui, donc, ah, c'est quand même pas mal. Donc à mon avis, ils ont dû mettre pas mal de leur poche pour aller jusqu'au bout du développement. Les points forts du jeu, bon, c'est déjà, on l'a déjà dit, les graphismes. C'est, bon, c'est en 2D, hein. Les Metroidvania, il n'y a aucune 3D, c'est vraiment que de la 2D. Vu du côté, vu du dessus. Vu du côté. Ouais. Vu du côté. C'est super beau, tous les décors sont magnifiques. À chaque zone du jeu, tu as une couleur différente, une ambiance différente. Tu vas avoir une zone, c'est plutôt de la forêt, une zone, ça va plutôt être des marais. Tu vas avoir des cavernes de cristal, tu vas avoir des égouts. En fait, c'est un mixte entre le merveilleux et le répugnant. Parce que la forêt, c'est super beau, mais quand tu es dans les égouts, t'as des larves partout, t'as des insectes qui chient d'autres insectes pour te bouffer. Enfin, ouais. Sympa. Non, c'est vraiment super. Je pense qu'il doit y avoir bien plus d'une centaine d'ennemis différents. Parce que vu que, comme j'ai dit dans l'intro, c'est que des insectes. Un insecte, c'est plutôt facile à dessiner, en fait, à la base. Donc ça leur a permis d'avoir un style de graphisme assez minimaliste et de pouvoir mettre la blinde sur l'animation derrière. Ce qui fait qu'ils ont plein d'ennemis et de PNJ différents qui ont une animation et toute différente, ouais. Un design cohérent. Des fois, tu as des boss que tu croises, ben, forcément qu'une fois, qui doivent avoir 20-30 animations différentes juste pour 5 minutes de jeu, quoi. Donc ça c'est vraiment génial et c'est impressionnant quand tu sais que derrière ils étaient que deux animés plus le codeur. Au premier abord, quand tu commences le jeu, t'as l'impression que c'est un univers tout mignon tiré d'un conte pour enfants. Et plus tu t'enfonces dans les profondeurs, parce que le but c'est qu'une fois que t'as sauté dans le puits, les premières zones c'est la forêt, c'est la caverne de cristal, c'est assez mignon. Et plus tu t'enfonces, plus c'est pas mignon. Plus c'est pas ouais, mignon c'est du tout. Mini spoil, mais c'est vraiment tout mini, mais dans les dernières zones, le sol, c'est des cadavres. Tu vois plus le sol du tout. Il y a que des cadavres partout. Et du coup, le jeu est super long, déjà. Mais, du coup, ça rend l'ambiance du jeu de plus en plus malsaine. Et, cette descente dans les enfers, tu la ressens vachement quand tu joues au jeu, en fait. De par l'ambiance, et de par aussi les combats contre les boss qui la difficulté qui augmente peut-être ouais. Ou... Au début t'as l'impression que ça va être assez simple. Je sais pas combien de temps tu as joué toi. Longtemps et effectivement j'allais te dire je trouve que le jeu devient vite difficile. Ouais. En tout cas moi je l'ai joué sur Switch en portable. Et ça, pour moi, ça me pose un vrai problème de lisibilité, d'avoir un écran qui est finalement quand même assez grand, hein, pour une portable. Mmh. Mais mine de rien, de la représentation, vu que c'est labyrinthique et que tu n'as pas des checkpoints tout le temps, t'en as vraiment très, vraiment des petits endroits. Et sur la carte, t'es obligé de t'équiper d'un objet pour pouvoir connaître ta position sur la carte. Enfin, en fait, des fois, il vaut mieux enlever cet objet-là, mais apprendre tout par cœur. Et je trouve que c'est, déjà, le jeu est vraiment fait pour ça. Il y a chaque partie du labyrinthe est bien bien spécifique dans son level design pour que tu puisses te dire ok je suis à tel endroit, si je vais en bas à droite je tombe sur telle zone. Et je trouvais que sur la petite Switch c'est un peu galère tout le temps de savoir de lire la carte, tu veux dire, non de te représenter dans l'espace. Et comme le jeu il n'est basé que là-dessus, que certaines zones ne sont débloquables que si tu trouves là le petit endroit où passer. Ouais. Moi, je trouve que la grosse difficulté du jeu au début, c'est effectivement pas ces zones, mais c'est comment tu trouves les zones, nouvelles zones, quoi. Oui, bah, le jeu c'est le principe des Metroidvania aussi. Hein. Faut trouver par où passer. Ouais. Mais souvent, c'est bloqué par un pouvoir que t'acquiers. Oui. Alors que là, c'est. Bah, c'est le cas aussi. Hein. T'as oui, des zones aussi, tu peux pas aller sans pouvoir. Tu le sens. Mais par exemple, Ori and the Blind Forest, ouais. C'est que ça. Et tu sais que quand tu vas à un endroit, t'es bloqué par un pouvoir que tu n'as pas, tu le sens dans le level design. Là, il y a des zones, je les ai trouvées après 3 heures de jeu. Alors, comme je dis, je jouais sur la Switch, mais c'est arrivé que 3 heures après. Parce que je suis arrivé à un endroit, j'ai vu un trou pour la première fois, je dis... Mais pour moi, c'est la force du jeu, en fait. Toi, tu as trouvé que c'était un défaut. En fait, moi, le problème, c'est que je suis assez claustro dans les jeux. Dès le moment où on m'enferme, je deviens fou. Et là... Comme Yankai vient de le dire, tu ne fais que descendre. Bah, dans genre Minecraft, quand on me dit on va miner dans les caves, je suis en PLS intégral. Ah ouais. J'ai tout fait tout. Donc moi j'ai besoin de revenir en haut. Et là, dans le jeu là, quand t'es au fond. T'es toujours dans les profondeurs, ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que le côté. Il n'y a aucun fil rouge en fait. Enfin, le seul fil rouge, c'est ce que je vous ai dit au début. Enfin, c'est le seul moment du jeu où tu vas tout droit et t'as pas trop de choix. Tu vas tout droit et une fois que tu sautes dans ce puits. T'es plus du tout tenu par la main, il n'y a aucun fil rouge, c'est toi qui explore et c'est toi qui fais presque ta propre aventure parce que tu peux faire le jeu de différentes, enfin pas de différentes manières, mais dans un ordre totalement différent en fonction des joueurs. Et c'est juste qu'il y a un moment où, si tu arrives à battre à certains boss, ils vont te mettre 3 points sur la carte, mais tu sais pas du tout comment y accéder. Et tu sais que tu dois aller à ces 3 points-là pour finir le jeu, mais c'est tout, quoi. Tu choisis dans quel ordre tu veux y aller, si tu as envie d'y aller ou pas, parce que tu peux aussi explorer et pas aller rechercher ces 3 points. Moi, je trouve que c'est la force du jeu, mais c'est vrai que si t'es claustro, que t'aimes pas te perdre, que t'aimes pas perdre ton temps, parce que des fois, tu peux t'arracher les cheveux sur un passage de plateforme ou de combat pour te rendre compte que derrière... Sauf PH. T'as juste... Oui. Ouais, PH, c'est totalement ton style de jeu. Ouais, t'es super passionné. Ah oui, il peut pas s'arracher les cheveux. J'adore. Les gens ne comprendront pas la blague. Ah, elle est super. Ah, elle est bien, merci. Pardon. C'était pas très podcastique, ça, comme blague. Non, ça va, ça. Faut qu'il y ait la vidéo. On mettra une photo. Voilà. Mais ouais, tu peux t'arracher les cheveux sur un passage pendant 30-40 minutes, soit sur un passage de plateforme, soit sur un combat, et te rends compte que derrière, t'as juste un vieux réceptacle de cœur, alors que tu t'attendais à avoir soit une nouvelle zone, soit un pouvoir ou autre, et ça te met encore plus pas dans la détresse, mais si t'as envie d'avancer et que t'arrives pas, je comprends que ça puisse faire lâcher certains joueurs, et moi c'est vraiment c'est ce que j'ai kiffé en fait. Moi c'est je me suis senti autant victimisé que dans Sekiro. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Ça m'étonne pas qu'il aime bien. Non, mais vraiment. Hein. Ouais, c'est vrai que j'aime bien les trucs qui sont un peu chiants, mais là vraiment, il y a un moment donné, j'ai lâché le jeu. Tu veux dire que AK aime bien les super, moi, Sekiro. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il faut être frustré pour aimer un jeu vidéo. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est que t'es masochiste, ce genre de personne. Mais pour AK. Ah, j'aime bien les jeux où t'es pas frustré aussi. Ouais. Moi aussi. Les Dark Souls, etc. Ouais, c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien le côté, il faut que tu reprimes tes émotions pour y arriver, toi. Ouais, ouais. Parce que si tu te laisses aller et que tu te laisses ronger par la panique ou par la colère, bah tu lâches ta manette et ça marche pas. Alors que si tu... Ça marche beaucoup en ce moment, hein. Beaucoup de jeux... Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'il y a un côté... bon, après... Masochiste. On arrive au point, au point Godwin du jeu vidéo, mais... Bah non, mais disons-le. Je voulais pas le dire, mais il y a un petit côté Dark Souls... Pour moi, c'est plutôt dans le lore, en fait. Pas forcément dans les combats, parce que... Non, mais c'est pas pour avancer, en fait. Ça va pas être frustrant pour tout le monde. C'est ça, le truc. Ouais. Si t'as l'habitude de jouer à ça, ça te frustre pas, parce que tu sais que tu dois dépasser le truc, machin. Ouais. Mais pour un joueur lambda, en général, quelqu'un qui joue à pas beaucoup, ça va le frustrer de ouf. Et il va arrêter de jouer. Moi, en premier, hein. Je peux pas jouer un jeu comme non, ça. Non, mais c'est vrai que le côté Dark Souls est ni moins techniquement parlant comme dans un Sekiro. Un mais ça existait avant les Dark Souls. Bien sûr. Le côté, il faut que tu réessayes 30-40 fois. Mais là, Hollow Knight, c'est un peu différent. Il y a une sorte de frustration qui est due au. Justement, au level design, je trouve ça presque vicieux. Il y a certains passages qui sont cachés et je me dis, le level design a été pensé pour pas que je vois ce truc-là de but en blanc. Ça a été pensé pour t'emmerder. Ouais, ça a été pensé pour m'emmerder. Mais comme pour Dark Souls aussi. Hein. Ouais, mais ils sont là pour te dire. Dark Souls, ils te disent en gros, tu vas en chier à mort. Mais par contre, si on te dit dès le début, par exemple, Sekiro, on te dit c'est un jeu de rythme, et ben en fait, tu l'abordes pas de la même manière. Et si jamais on dit c'est un jeu de rythme, sais que t'es pas rate, c'est du rythme. Et donc, déjà là, moi, si on m'avait dit ça au début, je me serais évité plein de problèmes. En ce cas, tu veux dire que Hollow Knight, c'est un jeu de rythme aussi. Hein. Oui, voilà, comme tous les jeux de rythme, c'est des jeux de rythme aussi. Tous les Die and Retry, oui, c'est la même chose. Pour connaître les fenêtres d'attaque et d'esquive. Oui, de tous les boss. Il y a toujours un côté rythme quand tu as des patterns de boss, de toute façon. Ouais, c'est pas fou. Là, ce qui est intéressant dans Hollow Knight, c'est, pour moi, c'est le côté vraiment exploration. C'est le lore, comme je disais, qui ressemble à Dark Souls. Tu as des choses qui sont clairement expliquées par des PNJ, mais il y a toujours un petit côté mystérieux ou... Oui, ouais, les PNJ parlent en énigme souvent. Donc, si tu veux vraiment reconstituer la toile, il faut que tu essayes de retenir un peu tout, que tu fasses attention au décor, à la description de certains charmes, certains objets, pour essayer de vraiment comprendre ce qui se passe et les tenants et les aboutissants du scénario. Donc, pour moi, je rapprochais le jeu des Dark Souls surtout par rapport à ça, par rapport au combat. Mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, ouais, il y a le côté frustration, c'est clair. Donc, comme je disais, la progression vraiment super libre, donc ça, faut accrocher. Moi, j'ai accroché, donc c'est pour ça que j'ai adoré. Et surtout, le jeu, je l'ai fini il y a un an et demi, et il a vraiment le côté marquant de certains passages. Vous connaissez les jeux un peu popcorn où tu les fais et 2 mois après, tu sais que t'as kiffé, mais t'en gardes pas vraiment des souvenirs impérissables. Là, le jeu-là, un an et demi après, je pourrais citer une dizaine de boss comme ça. Facile, je me rappelle de toutes les zones, je l'ai relancé avant-hier et le jeu était encore fortement gravé dans la mémoire. Toi. Et je pense que rien que ça, c'est déjà une réussite. Ça prouve que le jeu, il a marché. En tout cas sur moi. Et déjà, apparemment, je suis pas le seul. Quelque chose qui reste dans ta mémoire. Ouais, c'est balèze. C'est clair. Vraiment balèze. Mais en ce qui concerne les jeux vidéo, d'habitude, je suis assez balèze. Je retiens bien. C'est peut-être pour ça qu'il y a plus de place pour le reste. Ouais. Tu l'as fait sur quoi, le jeu? Sur PC? Je l'ai fait sur Switch. Ah, sur Switch aussi. Ah, tu l'avais fait sur Switch. Et sur, ouais. tu l'as mis sur la télé, quoi, du ouais. coup. J'ai fait les deux. D'accord. Au travail, je jouais sur le... Donc c'est bien juste Thibaut qui a un souci là-dessus, quoi. Ah, mais moi, j'ai des lunettes. Au travail, j'ai des lunettes. Hein, tu les avais pas mises. Je les ai pas mises. Et comme je vois rien de mon œil droit, j'ai dû avoir, je sais pas, une lignette dans l'autre. Ah, voilà, voilà, super, voilà. Tu voyais mal les passages. À la limite, excuse-toi auprès des de la Team Cherry. Ouais, voilà. Je m'excuse auprès de la Team Cherry. Je pourrais entendre qu'en mode portable, la jouabilité est forcément un peu moins bonne parce que les sticks de la Switch sont pas très précis. Non, par contre, je crois que j'ai plié un peu mes Joy-Con. Parce qu'en fait, je serrais trop la Switch dans les mains, j'étais genre vénère. J'étais au Japon et je criais comme ça. Je dis non, non, non, et sur certains boss. Et en fait, je pliais un peu les manettes et il y a un jeu maintenant. Voilà. C'est la claustrophobie qui a fait le dessus. La frustration, mais je m'énerve vite. Moi. Mais bon, j'ai quand même avancé, mais j'aimerais bien finir ce jeu. Mais tu sais pas quand tu finis, c'est ce que tu disais. Non, tu sais pas. Il n'y a pas de structure. Non. J'ai découvert des trucs. Il n'y a pas de pourcentage. Il y a un pourcentage qui apparaît quand tu finis le jeu. Pour savoir si tu as tout débloqué. Quand t'es dans le jeu, tu sais pas trop où t'en es en fait. Et par rapport au DLC, parce qu'en fait, ouais. J'ai Exerve sur internet qui a me dit « Ah, j'ai découvert la zone pour tel DLC ». Ouais, alors ça c'est... J'espère quand même que quand t'achètes un DLC, ils te disent quand même « Allez, c'est par là, non. Au moins un peu ». Quoi. Alors il y a deux DLC de mémoire. Le premier, c'est assez clair que tu sais où il faut aller, parce que dans le village principal, t'as une tente qui apparaît à côté, c'est le DLC en gros. Mais le deuxième, donc apparemment le plus gros, pour y accéder... Il faut trouver un passage secret dans un coin d'un mur, dans un couloir. Genre le truc, si tu vas pas sur internet et que tu sais pas que c'est là, je vois pas comment c'est possible d'y accéder. Donc il y a des gens qui ont dû acheter le DLC et qui n'ont pas jamais trouvé. Ben, je me suis posé la question et bon, je pense que maintenant tout le monde a internet, tout le monde regarde, mais pour trouver soi-même, en tout cas s'il y a un indice, moi je l'ai pas trouvé. Donc ça c'est peut-être un peu écoute, moins bien fait. Écoute, j'ai pris le jeu complet avec tous les DLC, on verra. Je vais essayer. Fais déjà le jeu complet et tu verras, c'est déjà pas mal. Mm. Tu peux rejouer du coup, t'as une rejouabilité du coup, ou une fois que t'as fini, c'est fini. Alors, pour les malades comme moi, tu peux faire faire les trophées. Oui, voilà, non, ou les trophées, ouais, d'accord, ok. Ah, mais donc, je sais pas, t'as peut-être même sur Switch, t'as les trophées. Ouais, mais en fait, quand le jeu est fini, tu peux toujours y retourner pour aller explorer toutes les zones que t'as pas faites, surtout que il doit bien y avoir 3-4 zones. Et une que zone t'es pas, grand, que t'es pas, t'es obligé pas du tout obligé d'y aller. Okay. Donc, quand y vas, tu débloques juste soit un nouveau pouvoir, soit des réceptacles de cœur, un petit peu à la Zelda. Donc tu peux débloquer ce que t'as pas fait. Et il y a plusieurs fins différentes aussi. Ok. Et tu peux les refaire quoi, du coup, celle-là. Ou 4 fins différentes. Ouais. En fait, quand tu finis le jeu, quand tu relances ta partie, t'es juste avant le boss de fin. Tu peux le faire d'une manière différente pour débloquer les autres fins. Ok. Ok, cool. Et puis il y a les DLC en plus. Tu peux relancer le jeu en mode hardcore où si tu meurs, la partie s'efface. Et cool. Recommencer. Donc dans un die and retry où tu mets des fois 15 essais pour faire un boss, le finir en hardcore, je pense que c'est assez balèze. Mais ouais, non, il a une sacrée durée de vie. Et en durée de vie, du coup, ça met quoi à peu près en temps? Une trentaine d'heures. Pouah. Donc à refaire 30 heures en hardcore sans mourir? 30 heures, je pense, pour arriver à la fin. Et après, pour faire 100%, je dirais plus 40-45. C'est déjà bien. Ma partie, elle a 45 heures et j'ai réussi à tout faire il y a un an et demi. Sauf le deuxième DLC que j'ai pas. Ok. Donc ouais, pour un Metroidvania, c'est assez solide. Bah oui. 45 heures à te faire rentrer une lame dans l'urètre. Hein. C'est très d'accord. Ouais, c'est sympa. Hein. Okay. C'est très machiste, c'est très très genre ce que je veux dire. Ouais, mais ça varie lame dans l'urètre et émerveillement aussi. Donc la pile pasteur. Ouais, bon. On peut y prendre du plaisir, hein. Oui, ouais. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. On juge pas. T'as raison, non, on juge pas. Cela dit, je crois que les femmes aussi ont une urètre. C'est vrai, c'est l'anatomie. Mais écoute, quand on fera un podcast sur la biologie. Ok, sur la spéciale anatomie la prochaine fois. Exactement. La seule chose que je voulais ajouter, c'est qu'il y a un petit côté RPG dans la manière dont tu fais ton perso. C'est que tu trouves des charmes au fil du jeu. Il doit bien en avoir une trentaine que tu peux équiper à ton personnage et ils ont chacun un effet différent. Et tu peux les combiner pour avoir des effets un peu plus intéressants, par exemple. Tu vas avoir un charme qui fait que quand tu te soignes, t'as une carapace qui entoure ton héros, qui fait qu'il peut pas se faire toucher pendant qu'il se fait soigner, et tu peux le combiner avec un charme qui fait que quand tu soignes, ça va plus vite. Ce genre de choses. ou ça peut augmenter la portée de ton épée, sa puissance, tu peux dasher deux fois, tu vas plus vite, enfin sur les 30 charmes, t'as vraiment tout et n'importe quoi. Et t'as vraiment des combos intéressants à faire, donc il y a un petit côté RPG par rapport à ça. Après tu peux ne pas trop t'amuser avec ça et quand même finir le jeu sans trop de difficultés, mais on voit qu'ils ont poussé le truc loin quoi. Bien, merci Aka. J'ajoute juste que, avant que tu me dises merci, j'ai pas dit son prix, c'est sur PC, PS4, Xbox One, Switch, et ça fait 15€, donc niveau rapport qualité-prix, je pense que c'est imbattable quoi. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris sur la Switch, ouais. Parce qu'il était vraiment à 15 balles de et en plus il est souvent régulièrement en promo, ouais. Tu l'as souvent à moins de 10 balles. Bien, merci Aka pour merci. Cette présentation de Hollow Knight. Nous allons passer à PH. Alors, oui. Je suis bien curieux de savoir de quoi tu vas nous parler. Alors, ça va être déjà beaucoup plus court que AK, mais parce que le jeu s'y prête aussi, ça va être beaucoup plus court. Alors, je vais d'abord raconter comment je l'ai eu. Alors, c'est pas un jeu génial, c'est pas un jeu très nul. Oui, ça commence super bien. C'est un des premiers jeux que j'ai eu. Donc, quand j'étais plus petit, ma première console, j'ai eu une Super NES. Et j'ai eu 4 jeux avec, que ma mère m'avait acheté ça. Donc, j'avais Street Fighter 2, on va pas parler de Street Fighter 2. J'ai eu Zelda 3, on va pas parler de Zelda 3. J'ai eu F-Zero, je vais pas parler d'F-Zero. Et j'ai eu Joe et Mac. Est-ce que quelqu'un connaît Joe et Mac? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Si. Ça me dit vaguement quelque chose. Moi, je pense que le masque connaît. Tu l'as sur arcade. Parce que j'ai déjà joué chez toi. Ah bon? Ouais, alors ça s'appelle Joe et Mac Caveman Ninja. Ça me dit quelque chose. Ou en japonais. Donc, attendons, je vais prendre mon magnifique accent japonais. Alors, Tatakae et Genshijin. Quand je vais vous parler, vous allez avoir des images. Donc, en gros, c'est un platformer qui se passe à la préhistoire. Et on incarne deux personnages préhistoriques à travers. Qui se balade à travers des niveaux. Donc, c'est du pas coup, le mec les. Tu dois ramasser des fruits là? Non, ça c'est Toki. Ah ouais, c'est vrai. Toki. Ouais, non, ça c'est Toki. C'est un peu la même chose. Alors en gros, le jeu il est sorti en 91 sur arcade, Amiga et SNES. Ensuite il est sorti sur Mega Drive, Game Boy. La version Mega Drive est considérée comme arcade perfect. Ah oui. Voilà, c'est bizarre quand même. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai joué sur SNES bien sûr. Et donc t'as pas eu la meilleure? J'ai pas eu la meilleure, mais elle est sortie en même temps que la version arcade. La version SNES elle est un peu différente de la version arcade et des autres, c'est-à-dire que c'est un jeu type arcade vraiment. Hein. T'as un niveau, tu passes au stage d'après, tu passes au stage d'après, tu passes au stage d'après. Sauf que sur SNES, tu peux choisir les niveaux que tu vas faire en fait. Comme les maps sur Super Mario. Sur Mega Man. Sur Mario Bros quoi, par exemple. Comme DuckTales. Ouais voilà, c'est ça, tu peux choisir les niveaux que tu vas faire. Ouais, ok. C'est pourquoi ils ont fait ça en SNES. Les prémices des mondes ouverts. Voilà, c'est ça. Le monde ouvert sur SNES en 91. Waouh, voilà, magnifique. Alors. J'ai vérifié, ça s'appelle vraiment Caveman Ninja. Hein. C'est ouf. Hein. De quoi? Le jeu? Ton jeu là? Bah bien sûr, je sais. Putain. Caveman Ninja. Caveman Ninja. C'est sympa. Voilà, c'est ça. Donc c'est un jeu qui a été... le marketing des années 90. Ah non, mais c'est génial. Hein. Donc c'est édité par Elite, chez nous, mais c'est développé par Data East. Mmh. Data East, oui. Connu. Oui. On pouvait jouer à deux. On pouvait choisir Joe ou Mac. Joe ou Mac, exactement. Un qui avait les cheveux bleus et l'autre qui avait les cheveux verts. C'est logique. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ils avaient pas la même coupe de cheveux. Hein. Donc voilà. Donc en gros, le but du Parce jeu. Ils se coupaient les cheveux. Bah je sais pas. Ouais, ils se coupaient déjà les cheveux à la préhistoire. Ouais, c'est fou. Ça hein. Être ça. En ouais. Plus des teintures. Exactement. Et ils avaient le pagne qui allait avec la couleur aussi, tu vois, forcément. Et donc le but du jeu, c'était de sauver un groupe de femmes qui avaient été kidnappées par une tribu adverse. Ce qui fait que quand tu terminais... Moi, je sais pourquoi j'adore... Enfin, je kiffais ça, c'est que à la fin du niveau, donc t'avais toujours deux... Je crois que c'était deux ou trois niveaux, plus un niveau avec un boss, type n'importe quel platformer de l'époque, tu vois. En général, tu tues un gros dinosaure. Et à la fin, tu sauvais une meuf, qui était toujours la même, mais avec le suivant des couleurs différentes. Avec des couleurs sprites. De cheveux différents, oui. Et puis elle faisait une espèce de danse pin-up comme ça à la fin, et tu sauvais la... Enfin, donc quand tu terminais le jeu, bah juste tu sauvais les femmes, il n'y avait rien de plus à faire. Et quand tu étais petit, tes hormones... Je sais pas, peut-être, ça elle dansait comme ça. Donc bien sûr, ça a été... alors, j'ai pas retrouvé si exactement ça avait été censuré aux États-Unis, mais ça avait vachement... Ils avaient pas aimé. J'ai pas réussi à trouver sur Internet la version aux États-Unis, ça a vraiment été différente au niveau des trucs, mais les Japonais mettaient beaucoup plus... C'est possible qu'ils lui aient rajouté une couverture, là, voilà, là, c'est possible, ou... voilà, c'est ça. Parce que je sais qu'au Japon, ils se sont foutés un peu de ça. Ouais, non, il n'y avait pas de problème, quoi. Dans l'arcade, c'est hyper régulier, ça. Voilà, c'est hyper régulier parce que ça te faisait te dire, faut que j'aille voir. Moi, ce que j'adorais dans ce jeu, c'est que tu avais des pouvoirs dans des œufs de dinosaures. Et c'était des armes qui changeaient. Donc, tu avais un boomerang, des os, tu lançais des os, tu pouvais faire du feu, de l'électricité. Et l'arme d'électricité, je sais pas pourquoi, mais tu lançais des éclairs. Parce que pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et la meilleure arme que j'adorais, qui était la plus forte, tu lançais des roues en pierre et qui roulaient comme ça jusqu'à tomber dans un trou. Putain, j'adorais, je kiffais ça. C'était trop fou, c'était trop cool. Le début de ta passion pour les voitures ? Peut-être, ça doit être ça. Ah, putain, merci. Tu viens de me faire découvrir un truc. Putain, c'est merci. Merci. Et suivant les niveaux, ça c'était encore un truc typique de l'arcade, mais qui était vraiment très frustrant. On reparle de frustration à un cas. C'est que suite certains niveaux, t'avais un time, c'était un espèce de timer qui faisait que tu perdais de la vie au fur et à mesure que t'avançais le niveau. Donc t'étais obligé de finir le niveau le plus rapidement possible pour pas, parce que sinon tu mourrais forcément. Et toi, t'aimais ça? Mais j'étais petit, donc j'avais ça comme jeu j'adorais ce jeu. Sinon, il n'y a plus pas grand chose à dire après sur le jeu en lui-même. C'est vraiment typique des années 90, du jeu d'arcade, de platformer, comme il y en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais les sprites. C'était dur ou c'était un peu mal branlé? Parce que souvent. C'était pas mal, non, c'était pas mal branlé. C'était pas Astérix ou Tintin. C'était pas les jeux Infogrames, quoi. Oui, c'était oui. Vraiment. Tu jouais, c'était correct, quoi. C'était un jeu japonais. Après, c'est typique à la mécanique de perte de vie. C'est typique de l'arcade pour te faire mettre des crédits. Voilà. Je veux dire, encore maintenant, hein, tu joues, là, je suis allé au Japon, là. Et ben, il y a encore des jeux maintenant, des jeux très récents, où clairement, là, jouer à House of the Dead, le tout dernier, en fait, clairement, t'as des frames de perte de. Alors, bien sûr, si t'es vraiment bon, et que tu sais où ça va arriver, mais clairement, ça te punit, genre le machin, le zombie, bam, il sort et tu perds un coup. Voilà, c'est ça. Donc, t'attends et tu le refais. Mais c'est pas mal branlé, c'est-à-dire que si tu sautes à tel endroit, voilà. Tu tombes pas dans le trou ou tu te fais pas. T'apprends le jeu par cœur. T'apprends en fait. Le jeu par cœur, c'était comme n'importe quel jeu d'arcade. Mais les sprites sont. Enfin, moi je les trouvais super beaux et j'ai re-regardé là encore des vidéos. Et ça va. Pour 91, enfin. Ouais. Ça passe encore. Ça a 20 ans quoi. Et du coup, c'est super beau, super coloré. Les dinosaures, ils étaient trop cool. Et c'était génial parce que les boss, t'avais le dinosaure qui prenait tout l'écran qui arrivait quoi. Ouais, c'est donc classe, du coup, quand t'es petit, c'était l'époque de Jurassic Park, tu vois le gros dinosaure qui arrive. Enfin, moi, je kiffais vraiment ça. Et bon, sinon, à part ça, on peut dire qu'il y a eu un 2 qui est sorti en 94. J'y ai jamais joué. Oh merde. Voilà. Sur quelle console, le 2, sur SNES aussi ? Sur SNES aussi, sur la même chose. Hein, arcade, SNES, Mega Drive. Okay. Et voilà, donc on peut dire aussi qu'aujourd'hui, il est ressorti sur Switch. Ah. Le 1. Ah ouais. À 7,99€. Il est sorti en février là, de cette année. Et tu te l'es pris ? Non, je ne l'ai pas pris. J'ai checké, mais peut-être... Ils ont remasterisé un peu le truc? Pas du tout, non, c'est... c'est un portage. C'est un portage, ouais. Alors, je sais pas s'il est bien... Ah, comme ils ont fait avec les jeux Neo Geo, là? Ouais, mais je pense que c'est strictement, ça. Strictement, et je crois que c'est la version SNES qu'ils ont mis. Putain, je connaissais pas du tout. Ouais. Mais il est pas très connu, mais... Ah, mais j'irai voir, c'est trop... Moi, j'ai adoré. Mais je me rappelle que tu m'avais demandé un jeu sur la borne, je sais pas si c'était celui-là, Oui, si, c'était ça, parce que tu l'avais. Ben alors, je vais redémarrer la borne. Voilà. Et je sais plus, je voulais dire un autre truc. J'oubliais. La difficulté, le prix. Non. Ah oui, bien sûr, vous pouvez toujours le choper sur Super NES. Encore une fois, mais. À 4 000€. Non, ça va, j'ai trouvé des prix relativement honnêtes en boîte à 90€. Donc c'est. Pour un jeu SNES en boîte. PAL européen. PAL européen. Une version SNES normale, c'est le prix, hein. Enfin, c'est le prix. Oui, c'est le prix d'un jeu Super NES. Tous les jeux qui font 90€. En boîte SNES. En boîte. Ouais, si c'est rare. Ah ouais. C'est quand même un peu. C'est la moyenne, hein. Ouais. C'est en super bon état, j'imagine. Oui, je parle de bon état, pas d'épave ou de trucs comme ça. Parce que les boîtes SNES, c'était bien en carton. C'est celle qui était. Ouais, c'était les boîtes en carton. C'est ça qui s'abîmait le maximum. Ouais, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Merci, PH. C'était d'une belle découverte. Merci. PE. Alors, avant de vous parler du jeu. Je vais pas faire comme Mickaël une introduction écrite. Magnifique. Elle était belle, en plus. Elle était très jolie. Elle était très jolie. Merci. Je vais juste vous remettre... J'ai mis une heure à l'écrire. C'est vrai? Oui. Non, c'était joli. Je vais juste vous remettre dans le contexte dans lequel j'ai découvert ce jeu, parce que je pense que ça a dû jouer quand même sur l'importance qu'a eu ce jeu et qu'a encore ce jeu aujourd'hui. La première fois que j'ai testé ce jeu, en fait, j'avais 15-16 ans et je sortais d'une grosse déception amoureuse. Mais le genre de truc qui te fait vraiment mal, genre comme tu peux avoir quand t'es ado. Et je me souviens, j'étais à l'autre bout de la France, parce que j'avais traversé la France pour aller voir une fille, et ça s'était pas bien passé. Et mon meilleur ami de l'époque, qui est toujours le même, Aka. C'est moi. Oui, Aka. Je me souviens, au téléphone, il m'avait dit, il y a tel jeu qui va sortir, ça te dit, on essaye. Et en fait, ce jeu, ça s'appelait World of Warcraft. Connais pas. Non, c'est pas cool. Un petit jeu indépendant, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, World of Warcraft, c'est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, alias Meborg, c'est comme ça qu'on dit. Donc, qui est développé par Blizzard Entertainment, qui est donc un studio qui fait également, qui a fait les autres jeux Warcraft, qui a fait Starcraft, qui maintenant fait également Overwatch, Diablo, etc. Et bon, je présente, mais de toute façon, toutes les personnes ici connaissent. Je pense que même les gens qui nous écoutent, on y a tous joué. Mais voilà, en fait, je pense même les gens qui jouent pas aux jeux vidéo. Même les gens qui connaissent. Voilà, mais je vais quand même faire une présentation pour dire. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti aux États-Unis en novembre 2004 et en Europe en février 2005. Et donc, c'est à ce moment-là, alors que j'étais en première, que j'ai testé World of Warcraft pour la première fois. Ça se situe donc dans l'univers de Warcraft, qui connaissait déjà trois jeux. Deux stratégies, donc dans un genre différent. C'est donc un univers héroïque fantasy où s'opposent deux factions, la Horde, les vrais. Merci. Voilà. Dans lesquels on retrouve les orques, les taurennes, les trolls et les réprouvés qui sont des morts vivants. Et de l'autre côté, l'Alliance qui contient les humains, les elfes, les gnomes et les nains. Et donc on va créer un personnage, on va choisir parmi les neuf classes qui existaient à l'époque. Le guerrier, le paladin uniquement pour l'Alliance, le chaman uniquement pour la Horde, le chasseur, le voleur, le druide, le mage, le démoniste et le prêtre. Et le principe du jeu, c'est un jeu de rôle. Hein. Donc vous incarnez votre personnage, vous partez à la découverte de l'immense monde d'Azeroth, vous accomplissez des quêtes, parcourez des donjons en groupe de 5 joueurs, vous participez à des batailles contre d'autres joueurs, et vous terrassez des monstres très puissants tels que des dragons ou des seigneurs élémentaires en raid de 40 joueurs. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Et 40 joueurs, c'est compliqué à... Réunir, c'était compliqué. À réunir et à gérer. Le principe du jeu, c'était avoir le meilleur équipement en jouant 20 heures par jour. À peu près. Non, pas 20 heures. On jouait pas 20 heures. On allait quand même en cours. À certaines semaines, on a dû taper dans les 15-16 heures par jour, je pense. Oui, on l'a fait. 16 heures par jour. 10 jours d'affilée. Mais c'était les vacances. C'était les vacances. Tous les vrais l'ont fait. Tous les vrais l'ont fait, c'est sûr. Alors, le jeu, il a connu jusqu'à 12 millions d'abonnés au moment de sa deuxième extension, Wrath of the Lich King. La meilleure. La meilleure. Voilà. Qui est sorti fin 2008. À l'époque, j'étais en études à Paris dans un appartement qui n'avait pas internet. Oui. Je ne sais pas comment j'ai pu survivre 2 ans sans internet. Donc j'avais mis le jeu sur mon disque dur externe et j'allais le mettre sur les vieux PC de mon école. Et je me souviens jouer dans la salle informatique de mon école. J'ai vite lâché l'affaire parce que c'était compliqué. Donc en fait, j'ai très peu joué à cette extension-là. Et je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps en refaisant toutes les quêtes. Et aujourd'hui, ça tourne aux alentours de 3 millions d'abonnés d'après les estimations que j'ai trouvées sur Internet. Sauf les pics. Sauf ça. Voilà, la couverture de DLC. Voilà, alors là, après, c'est des estimations. Ils ont battu quand même. Exactement. Ah, c'est bien. Et là, théoriquement, ils ont rebattu. Je sais pas. À la sortie, si, ils ont rebattu le pic. Des 12 millions. À la sortie, mais juste la sortie en l'espace d'un mois, quoi. D'accord. Bon. Oui, toujours à chaque fois. Rebattu, ils repartent à 12 millions à chaque fois. Ouais, mais pendant un mois et après. Ouais, bien sûr. C'est l'extension qui s'est vendue, qui a battu le record de vente et tout. Ah oui, la dernière. Vendu le plus. La dernière, ouais, BFA. Ah, ouais. C'est vrai que donc voilà, l'extension actuelle, c'est Battle for Azeroth, qui est sortie en août 2018. Je crois que c'est ça, ouais. En 15 ans, on a eu donc cette extension, on a découvert de nouveaux continents, voire même d'autres mondes, 3 nouvelles classes, le Chevalier de la Mort, le Moine et le Chasseur de Démons, et beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles races. Les gobelins, les elfes de sang pour la Horde, les Vorgun et les Draenei pour l'Alliance, les Pandaren pour les deux factions, et 8 races alliées que je vais vous épargner parce que c'est un peu des dérivés des races existantes. Et en fait, il y a quelques jours, je discutais avec quelqu'un qui m'a demandé quelle avait été mon extension préférée, justement. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais alors que j'ai joué très très très régulièrement. Enfin, j'ai eu un rapport à World of Warcraft comme certains ont à la cigarette, c'est-à-dire que je joue, je me dis oh là là, je joue trop, c'est pas bien, je m'arrête, et puis je reprends, et puis je m'arrête, et puis comme je reprends, beaucoup, ouais. Et puis je m'arrête. Et en fait, voilà, 15 ans plus tard, je joue toujours, et je me suis rendu compte qu'au final, il y avait beaucoup d'extensions dont j'étais passé à côté de beaucoup de contenu parce que je jouais, je montais niveau max, ou bien je m'arrêtais, ou bien je faisais que du joueur contre joueur. Ou bien je faisais des quêtes très répétitives et au bout d'un moment je lâchais l'affaire parce que ça me saoulait. Et en fait, on a tous fait comme ça à peu près. Hein. Ouais, mais enfin, pour le coup. Ou alors t'as vraiment fait une extension en entier. Et voilà. Mmh. Et justement, en fait, je me suis rendu compte que moi c'était surtout le jeu de base en fait que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup pensé. Parce que bah, à l'époque j'étais lycéen et puis j'avais peut-être plus le temps. Et surtout, et tous nos copains jouaient. On parlait que de ça. Et on parlait que de ça, bah, littéralement. C'est-à-dire que tes potes qui jouent, ça joue beaucoup. C'est-à-dire beaucoup, que toutes nos discussions ne tournaient qu'autour de ça. C'était juste hallucinant. Ouais, pendant un an, ouais. Ouais, ouais, c'était fou. Mais c'était à quelle époque? Quand vous étiez en quelle classe? En première. Première, ouais. Ah putain, c'est pour ça. Première terminale. J'étais en train de me demander pourquoi moi j'étais passé à côté de ce truc. Parce que t'étais trop vieux. Parce que je suis plus vieux que vous. Mais non, mais. Mais si, j'étais. On a le même âge, c'est pareil, quoi. Mais non, mais moi je suis pas passé à côté, j'ai joué après, mais. Moi, j'ai aucun souvenir de World of Warcraft. Dans les discussions de mes amis en terminale, c'était inexistant. T'avais pas les bons amis, mec. C'est tout. Hein. Bah non, mais après, j'étais en école d'art, j'avais pas internet là où j'habitais. T'étais en école d'art et jouais pas à World of Warcraft? Non. J'ai personne ne me parlait de ça. Ils faisaient des sculptures. Ah. Et des nus. Je dessinais des hommes et des femmes nus. Alors qu'on peut dessiner des ailes de la nuit. C'est ça. Ouais. Et avoir des grosses épées et des grosses armures. C'est ça. Moi, franchement... Exactement. Oh, c'était une bonne époque, hein, c'est clair. Ouais. Et du coup, ce dont je voulais vous parler, c'est pas de tout World of Warcraft, mais je voulais m'arrêter surtout sur le jeu de base, en fait. Le jeu tel qu'il était à l'époque. C'est bien dans l'actualité, vu qu'il va ressortir... Et voilà, exactement. Le 27 août, ils vont ressortir le jeu tel qu'il était sorti à l'époque. Donc, jusque-là, on l'appelait WoW Vanilla. Vanille étant... l'explication, c'était quoi? Ils appelaient ça Vanilla parce que ça fait penser à l'enfance. La glace à la vanille, ça fait penser à l'enfance. La glace à la vanille, ça fait penser à l'enfance. Oui, oui, ça vient de ça. C'est ça, ouais. Oui. Parce que c'est le parfum le plus classique que t'as. Et c'est genre Madeleine de Proust. C'est ça. Bon, finalement, ils vont le ressortir en l'appelant WoW classique. Mais WoW Madeleine, Madeleine des Américains. C'est vrai. Ils ont pas de Madeleine là-haut. Et donc, du coup, le 27 août va ressortir le jeu tel qu'il est sorti à l'époque. Alors, j'en profite parce que, du coup, c'est vrai qu'on a été plusieurs à tester le jeu tel qu'il était à l'époque. Donc, le but, c'est de se remémorer un peu pour voir ce à quoi on pourrait s'attendre en août. En quoi ça va être différent du WoW d'aujourd'hui? Bon, bah, déjà, monde. Tout, quasiment. En beaucoup de choses, effectivement. Déjà, le monde, il a changé suite au cataclysme qui a eu lieu dans la troisième extension qui s'appelait. Cataclysme. Cataclysme, c'est bien, tu suis bien. Donc, c'est pas les changements dans le monde sont pas non plus tout le monde n'a pas totalement changé, mais il y a beaucoup de régions qui ont été modifiées, qui ont été retravaillées, etc. Mais donc du coup, pour les gens qui n'ont jamais joué au jeu tel qu'il était à l'époque, il y a certaines régions qui vont être quand même assez différentes. Et surtout, je pense que la vraie question c'est est-ce que vraiment les joueurs de maintenant ont envie d'une expérience de MMORPG qui date de 15 ans avec les bugs en plus. Ouais, je voulais y revenir après parce que concrètement, c'est vrai que je pense que les deux gros changements principaux, c'est le niveau maximum qui est 60 contre 120. Ouais, quand on se dit ça, on se dit ouais, mais du coup, ça fait deux fois moins de niveau, ça fait deux fois moins de contenu. Sauf qu'en fait, pas du tout. Parce que tu mettais longtemps à monter. C'était horrible, j'ai recherché. Enfin, c'était horrible, non, c'était pas horrible. C'était très, très, très, très long, mais c'était pas horrible du tout en fait. Il y avait moins de contenu, mais c'était plus long. C'est pas. Ouais. C'était horrible. Non, mais par rapport à maintenant, on va penser que c'est horrible, mais parce qu'on était habitué à ça. Enfin, je sais pas, vous avez déjà essayé. Est-ce que vous aviez joué à d'autres MMO avant? Oui. Avant WoW, t'avais joué à quoi? Dark Age of Camelot. Ah oui, pas, DAOC. On avait pas fait beaucoup. Ouais, c'était pire encore. Ouais. Je vais jouer au tout premier avant. C'était la quatrième prophétie, ça s'appelait. Et c'était juste avant DAOC. Ouais, c'était que du bashing de mobs. Et c'était que du bashing de mobs. Et puis quand tu mourais, on venait looter ton cadavre, on venait te looter toi. Ah oui. Et puis où les Ultima c'était comme ça, Ultima Lineage, Online et tous les trucs comme ça. Oui, donc c'est vrai que quand WoW est sorti, c'était vachement plus ergonomique et vachement plus plaisant. Ouais, mais c'était trop bien parce que du coup. Ça s'ouvrait au grand public. Et t'avais 10 fois plus de contenu. Mais alors, tu vois, si on compare à aujourd'hui, alors j'ai regardé la dernière extension qui est sortie, pour monter un personnage. T'as a priori, quand tu prends la dernière extension, t'as un personnage qui est déjà niveau 110. Ouais. Tu le montes au niveau 120, ça te prend 10 à 12 heures. Donc la phase de PEX. 6 heures. Ouais, quand tu vas vite. Moi j'ai mis 6 heures. Ouais, mais tu lisais pas les quêtes. Jamais. Ben voilà. Enfin, quand tu quand t'es en grind comme ça, oui. Mais voilà, mets 6 c'est heures. Ça. C'est quand t'es en mode je rush machin. Bien 6 sûr. Heures, ok. Voilà, si tu prends un peu ton temps, 10 à 12 heures. À l'époque, est-ce que tu sais combien c'était le record ? J'ai trouvé un record. Ah, le record, non, ça c'était m'intéresse. Peut-être pas. Alors, c'était peut-être pas le world record, mais j'ai vu. Moi, je crois que j'ai mis 4 mois. Quelqu'un qui revient régulièrement. 1,60 Ouais. À l'époque, hein. Ouais. Alors, je dis pas que c'est le world record, hein, mais c'est un truc que j'ai vu quand même sur internet. Genre en mode, ah ouais, quand même balèze. Je dirais une vingtaine d'heures. Non, plus que ça. Non, non, 4 jours, ça. 4 jours et 20 heures. Attends, 4 jours, 4 fois 24 heures. 4 fois 24 heures, oui. 4 fois 24 heures plus 20, on était à 116 heures. Moi, j'ai mis 4 mois et demi à monter. C'était chasseur, qui est la classe la plus rapide à monter, qui en plus peut se déplacer un peu plus rapidement, qui a son pet, qui fait qu'elle peut enchaîner les mobs. Voilà, donc c'était vraiment opti, et c'était un mec qui, genre, c'était en mode, il avait un guide sur internet, en mode, voilà comment j'ai fait pour monter mon perso. Et je suis retombé sur des forums de Blizzard, de l'époque, où les gens ils disent « Putain, j'en suis à tant de jours de jeu, je suis toujours pas niveau 60, vous, vous en êtes à combien ?» Et tu vois les gens, ils sont à 10, 12, 15 jours de jeu. Donc ça fait entre 240 et 320 heures, et les mecs sont pas encore niveau 60. Mais même je me rappelle plus, si, parce qu'on faisait pas de bashing de mob, moi, ça on faisait que des quêtes. Non, c'est que des quêtes. Oui, mais tu faisais quand même du bashing de mob, parce que tu savais pas. C'est ce que, mais c'est ce que les quêtes que tu savais pas. C'est ce que les quêtes te demandaient de faire, en fait. Moi, je me rappelle, au tout début, il y a des zones où je me disais, oh putain, il manque 2 barres à faire. Et j'en avais tellement marre de faire des quêtes que je disais, bah là, il y a des sangliers, bah, je vais défoncer des sangliers, et je sais que certains caps de niveau, je les ai passés comme ça. Et puis, rappelez-vous qu'entre chaque mob, il fallait boire et manger. Ah oui, oui. Voilà. C'est ça. Ça, c'est les grosses, grosses différences. Et le temps de réapparition des mobs était beaucoup plus long. Mais là, il était plus long parce que tu les tuais moins vite. Ouais. Parce que tu les prenais par un ou deux. Tu te gères déjà bien. Ouais. Ou alors. Et tu devais régène entre chaque mob, de la mana ou de la vie, ou les deux. Et donc, du coup, c'est normal que le repop était plus lent. Parce que sinon tu. Et après, il n'y a pas de monture. Si, ah, mais si. C'est à côté tellement cher. Cher. Attends, déjà, aujourd'hui, la monture, tu l'as au niveau 20. Ouais. À l'époque, c'était niveau 40. 40. Pour la première monture. Ah oui, alors que maintenant, c'est 20-40. Voilà, 20-40. Alors 20-40 à la rapide en 40. Et après, en 60, t'as la volante. Voilà. Alors, déjà, pas de monture volante dans World of Warcraft classique. T'as donc monture. Plus 60% de vitesse au niveau 40 et plus 100% de vitesse au niveau 60. Sauf que ça coûtait tellement cher. Moi, mon premier perso, j'ai été à pied jusqu'au niveau 52. Donc, autant te dire, le nombre d'heures que ça représentait, j'ai passé 200 heures à pied. Ouais. Et c'était pas grave. Et enfin, non, peu... mais, non, mais du coup, grave, le monde me semblait tellement énorme. Énorme, bah oui, évidemment. Mais l'échelle de grandeur est plus... Eh bah ouais, carrément, parce que là, aujourd'hui, dans la dernière extension, les montures volantes, tu vas à plus 300% de vitesse. 320. En volant, donc tu vas où tu veux quoi. Là, sur les continents, en plus les continents sont plus petits parce qu'il y a que 3 régions, mais dans le continent actuel, tu vas d'un bout à l'autre du continent en volant, t'en as pour 5 minutes. Ouais, c'est un grand maximum. Tu mets 40 minutes. Moi, je mets 40 ou 50 minutes du nord au sud d'un continent. Déjà en marchant. Hein. En marchant, tu crois. Mais il y avait déjà les espèces de. T'avais les fly. Oui, t'avais les fly. T'avais les fly, mais. Et qui étaient parents. Enfin, tu t'en servais quasiment pas. C'était super cher. Interrégion, t'avais un fly par région. Moi, j'ai un souvenir toujours où j'ai galéré, c'était dans les Tarides, t'avais 2 cimetières, je crois, dans tous les Tarides. Oui, et tu marches 10 c'était minutes immense, en, et tu mourais, et tu réapparaissais à l'autre bout des Tarides, et tu retraversais. Et ça, je m'en souvenais pas, je l'ai réentendu sur Internet, tu meurs dans un donjon, tu réapparais à l'extérieur du donjon en fantôme, tu dois remarcher jusqu'à l'entrée du de ton cadavre. Donc si tu tombes dans un trou ou un truc comme ça, tu wipe en boucle contre un boss, pour réessayer, il fallait toujours attendre 5-10 minutes, le temps de faire le trajet, les pierres de foyer. Non, les pierres de TP. Ah oui, pierres d'invocation devant les donjons. Devant le donjon. Elles y seront peut-être là dans vos classiques parce qu'ils vont mettre la 1.12. Au niveau des fonctionnalités, je crois qu'il y avait les pierres de ouais, parce qu'au tout début, je sais qu'il n'y avait pas. Mais la pierre de foyer dont tu parles, elle existait, mais elle avait un cooldown de 60 minutes. Aujourd'hui, c'est 15 minutes. Ouais, c'est 15 minutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dans la ville, tu prends tes quêtes, tu sors, tu vas faire tes quêtes, tu peux re-TP direct. Exactement. À l'époque, tu es là, tu te dis, si je re-TP, je l'ai pu pendant une heure. C'était un calcul de tous les instants. Ouais, et en fait, si il te reste 10 minutes de cooldown sur ta pierre de TP, tu te dis, vaut mieux que je rentre à pied en ville, comme ça j'aurai un nouveau pierre de TP pour une autre fois. Sauf si t'étais chaman. Ouais, c'est pour ça que chaman c'était bien. Classe supérieure. T'avais si t'étais chaman, bah t'avais le rappel astral. Ah ouais. Et c'était combien à l'époque de cooldown? C'était une demi-heure. Une demi-heure, et ça fait que t'avais 3 cooldowns deux... dans une heure. Au lieu de 1. Ouais, ouais, t'avais 3. En gros, t'as comme si t'avais 2 pierres de cap, tu faisais à la moitié. Tu sais que ça pose la vraie question de l'évolution du jeu vidéo. Mais ça marche hyper bien. Là, tu le vois, tous les streamers qui streament WoW classique, ça marche de ouf. Enfin, tous les streamers ça marchent. Ça marche parce que les gens les regardent, mais oui, est-ce qu'ils vont y jouer? Non, mais les mecs, ils prennent du plaisir, c'est ça le truc. C'est que quand ils testent, même ceux qui n'étaient pas trop pour l'instant, ils testent, ils font « Ah putain, je suis quand même agréablement surpris. » Et en fait, moi, quand j'y repensais, je me suis dit « Mais tout était plus laborieux, en fait. La thune, c'était plus laborieux. » Ah oui, parce que... Je pense qu'il y avait un côté RPG beaucoup plus marqué. Et voilà, en fait. Ouais. Je trouve... Enfin, moi, quand j'y repensais, en fait, je me rends compte que le fait que ça dure vachement longtemps, le fait que tout soit plus compliqué, déjà... Là, actuellement, dans le jeu, je suis en train de monter 5 persos en parallèle. Parce que je suis en train de refaire toutes les quêtes, de lire toutes les histoires. Donc, du coup, je monte 5 persos en parallèle. À l'époque, c'était juste impensable de faire ça quand tu vois l'investissement qu'il faut pour un perso. T'avais un perso. Et ton perso, tu l'aimais, quoi. Genre, c'était ton avatar. Tu faisais un reroll au bout de 6 mois. Ouais, au bout de 6 mois, quand tu commençais à tester autre chose. T'avais une banque. Une banque, oui, c'est ça. Ton personnage banque. Oui, c'est ça, t'avais ton personnage banque, ouais. Et tu pouvais pas re-race, tu pouvais pas changer ta tête. Oui. T'avais ta tête du début à la fin et ta race, tu pouvais plus la changer, quoi. Voilà. Et donc, du coup, moi je trouve qu'il y avait un attachement au personnage que j'ai moins aujourd'hui. Et du coup, il y avait aussi une immersion dans le jeu qui était, je trouve, énorme, justement, du fait que. Tout était beaucoup plus long. C'était d'une certaine manière plus réaliste, entre guillemets, dans le sens où aujourd'hui tu peux te TP un peu comme tu veux partout. À l'époque, chaque déplacement, tu te dis bon, si je vais là-bas, enfin tu choisis où tu vas, et tout prenait vachement plus de temps. J'ai des souvenirs de donjons qu'on a fait. L'exploration à distance, et aussi les donjons. Les donjons. Trouver des gens pour aller en donjon. Trouver des donjons, t'avais pas de recherche de groupe automatique, il fallait aller dans les capitales, dire bon bah voilà, on est un groupe, on est en train de se monter, les gens, tu parlais avec les gens, trop bizarre. Et après, il fallait aller dans le donjon, à pied, ou en vol, voilà, il fallait aller sur place. Ça te TP pas jusqu'au donjon? Non, fallait y aller. Attendez, justement, est-ce que maintenant, les donjons, est-ce que l'ouverture est encore accessible ou parce que là moi j'ai jamais été à un endroit rentrer dans un donjon parce que t'as plus besoin avant tu t'inscris dans les groupes automatiques mais tu sais que pour moi qui jouais très tardivement à WoW là dernièrement, pour moi les donjons c'est quelque chose qui n'existe pas dans le lore. C'est une sorte de monde parallèle, tu sais, on t'envoie dans une sorte d'instance parce que maintenant t'es TP directement dedans, mais avant en fait t'avais une connaissance beaucoup plus pointue de la géographie de l'univers parce que tu devais t'y déplacer pour aller en donjon, tu savais où ils étaient. En général tu terminais en général l'histoire de la zone pour aller tuer et ça avait du sens dans l'histoire, parce que là pour moi l'histoire elle a aucun sens. Ça l'a toujours maintenant. C'est juste que tu fais pas attention parce que tu farmes les donjons. Mais il y a toujours une histoire. Et puis peut-être parce que mais dans le donjon, il y a une histoire. Mais je veux dire, elle est pas reliée à une zone. Elle est toujours. Non, pardon. Je m'exprime mal. Je dis pas qu'elle l'est pas. Je dis pour quelqu'un qui joue sans connaître de base le lore. Pourtant, moi, je lis toutes les quêtes. Ah oui, d'accord. Donc je lis les quêtes d'une zone, mais on me dit t'es niveau temps. Donc c'est même pas lié à l'endroit où je suis. Ça marche par niveau. Oui. Ouais. Mais en fait, je trouve que en fait, il est cassé le jeu. C'est pour ça que je disais que ça. C'est pas cassé parce que le but maintenant. C'est du full farm. Non mais WoW a d'intérêt en soi pour le PvEHL. Donc les gens. Ce qui les intéresse, à part si t'as toujours les gens qui sont fans du lore, qui aiment bien faire les quêtes, qui aiment bien faire des trucs et tout, machin. C'est pas ça, mais le but du jeu, c'est uniquement d'aller faire le plus gros donjon, le plus gros raid HL le plus vite, avec des strats les plus compliqués. Et du coup, à force de vouloir supprimer le plus de frustration possible, on revient toujours à la frustration. Ça perd un petit peu de son charme et de la tête. Oui. Non, c'est pas du tout le même jeu. Les gens qui crachent sur le jeu comme il est maintenant, je trouve ça débile parce que c'est pas le même jeu. Maintenant, je préfère jouer au jeu de maintenant qu'au classique. Parce que je sais que je suis plus la même personne. Parce que c'est plus adapté à ta vie d'aujourd'hui. Ouais. Et à ta consommation de. Et à la consommation de gens en général. J'ai plus envie de me faire chier à prendre 5 heures le soir pour faire un seul donjon, trouver des mecs, y aller à pied. Et ben. Je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense que je vais tester au classique. Moi aussi, mais d'un autre côté, je me dis que je rêve de pouvoir faire un donjon, mais je sais que ça va être compliqué parce qu'il faut se caler beaucoup d'heures comparé à aujourd'hui où tu vas dans un donjon, c'était une soirée, après, un donjon, c'était toute une soirée, 20, 30 minutes max si tu prends ton temps. À l'époque, c'était ta soirée, effectivement. C'était toute une soirée, un donjon, et t'étais pas sûr de le finir. Et t'étais pas sûr de le finir. Moi, j'ai des souvenirs où on avait fait des donjons, quand justement, à la fois, on avait fait 16 heures par jour, là, des donjons où on avait passé 5-6 heures en pleine nuit avec des mecs. Finalement, tu sympathises avec les gars parce que ça dure 3 plombes. Parce que t'en as chié ensemble. Et parce que t'en as chié ensemble. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on retrouve pas aujourd'hui. Non. Et d'une certaine manière, eh ben, mais j'espère pouvoir revivre ça, mais ça demande un investissement de temps et d'énergie qui est phénoménal, quoi. Je trouve que tu le retrouves quand même, ça, quand tu... Moi, je joue toujours, je fais toujours les extensions quand elles sortent. Ça m'intéresse, parce qu'on est toujours avec les potes à le faire, machin, et je retrouve, c'est ce que je préfère dans le jeu, c'est faire l'extension avec les potes. Je me prends toujours 4 jours, 4-5 jours de congé, et je fais que ça, et je joue avec les potes, on est sur Internet, on discute, et... C'est la même ambiance. Tu fais pas la même chose dans le jeu. C'est sûr que tu fais pas pareil. Mais c'est la même chose. Mais tu pourrais le faire sur un autre jeu. C'est pas parce c'est WoW, toi. Si, c'est. Ben, non, si. Moi, j'ai un attachement. Que, oui, j'ai bien sûr. Le même attachement que PE mais là-dessus. Pour moi, la magie. Enfin, la magie. Ah, moi, la force de WoW classique, c'est que tu créer des liens avec des gens que tu connaissais pas et assez facilement. Non, mais même des gens que tu connais, parce que moi par exemple, c'est quelque chose que je recherche vraiment beaucoup dans le jeu en ce moment, dans le jeu en ligne, et pour moi c'est vraiment problématique. Je fais un micro aparté très rapide, mais avec mes amis d'enfance, on jouait ensemble avant à Rainbow Six Siege, et on a joué ensemble, bon ben voilà, ça s'est pas très bien passé, etc., on a arrêté, mais là on essaye de se remettre sur des jeux en ligne, on essaie de trouver des jeux, etc., et en fait tu ne retrouves plus ce dont vous parlez. Moi, je comprends, en fait ça marche sur avec toi, sur avec toi jeux, ouais. Parce qu'en fait vous connaissez déjà le lore, et en gros vous allez parler des mécaniques, et en fait mais vous revenez sur le même truc, vous redécouvrez pendant des heures et des heures des nouvelles mécaniques, un donjon, tiens il y a des nouveaux mobs, il y a un nouveau donjon, il y a telle mécanique, finalement tu reviens en arrière, c'est juste que ça va peut-être un peu plus vite, je pense. Oui, ça va beaucoup plus vite, parce que t'as besoin de comprendre le jeu et de tu sais c'est comme dans des pantoufles, quoi. C'est comme une bonne pizza. Oui, c'est pas la meilleure pizza que tu vas manger, mais elle est bonne, kiffer, ouais, c'est ça. Et mais par contre, au niveau difficulté, on va pas parler des heures de WoW, parce qu'enfin, on peut en parler heures, oui, mais il y a aussi le fait que personne connaissait le jeu avant. Quand tu revois les mécaniques de donjon, les mécaniques de raid de l'époque, c'est n'importe quoi par rapport au HL qu'il y a maintenant dans WoW. C'est d'une difficulté mais ahurissante. Alors que Mais à l'époque, il fallait coordonner plus de personnes. Il y en a 40, t'es moins d'outils aussi. Il n'y a plus d'habitude. Je pense que maintenant, les donjons vont se faire rouler dessus. Les seules barrières qu'il va y avoir, c'est les accès, le stuff ou les accès. C'est-à-dire que maintenant, s'il n'y avait pas les accès, par exemple, il y a MC qui va sortir, Molten Core, c'est le premier vrai raid 40 qu'il y a. S'il n'y avait pas l'accès, donc faire son armo, machin, passer du temps, farmer une répute et des trucs comme ça, le donjon, il meurt en 2 heures. C'est avec le niveau des joueurs actuels, c'est obligé. Ça sera pas fait comme ça, qu'il faudra une armo. Oui, c'est ça. En fait, je pense que il y a des gens, je suis sur un groupe Facebook où ils en discutent et les gens se disent, mais combien de temps selon vous après le first level 60, combien de temps avant que Ragnaros, qui est le boss de Molten Core, ne tombe? Il y en a certains qui disent je lui donne une semaine, et enfin non, juste non, parce que oui, c'est deux jours. Non, mais ça durera beaucoup plus longtemps, parce que les mécaniques, c'est sûr que aujourd'hui, enfin, pour les gens qui jouent aujourd'hui, les mécaniques, elles sont bidons. Moi, j'ai joué à l'époque dans Molten Core, je jouais Mage Frost. Voilà. Je faisais éclair de givre. Je prenais mon rubis pour récupérer de la mana, éclair de givre. Ma difficulté, c'était de pas tomber trop tôt, out of mana. C'était juste ça. Alors moi, j'étais mage, j'étais DPS, mais c'est tout. J'ai pas fait de PvE HL pendant X extensions, et j'ai recommencé à l'avant-dernière extension Légion avec mes potes. Alors je jouais plus DPS, je jouais soigneur. Quand j'étais soigneur, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai fait genre... J'ai joué chaman... J'ai fait... Quoi ? Genre, j'ai vu le premier boss. Il est où le carré bleu ? Il se fout de ma gueule. Ouais. Je voyais pas le carré bleu. Il m'a dit tu vas voir le carré bleu. Mais il est où ? Je le voyais pas. Il est où le carré bleu ? Non, mais c'était compliqué. Voilà. Non, mais honnêtement, le premier boss du raid, moi j'ai vu une vidéo qui m'expliquait les strats, ce qui à l'époque n'existait pas non plus, hein, mais en même temps il n'y en avait pas besoin. J'ai vu une vidéo qui expliquait les strats. Je suis arrivé, moi dans ma tête, j'avais l'impression que ça fusait dans tous les sens, en mode ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis tous les autres, phrases différentes, voilà. Et tous les autres ils disaient Ah non, mais le premier, c'est bon, c'est bidon, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien à faire. Tu dois esquiver un truc. C'est-à-dire que tu n'avais pas de mécanisme de one... Quasiment pas de mécanisme de one-shot sur les boss. T'avais des tu te faisais one-shot parce que ton tank, il ne prenait pas l'aggro, parce que tu avais ce genre de choses. Tu avais très, très peu de trucs de one-shot. Tandis que maintenant, chaque boss a 5 ou 6 trucs de one-shot. C'est-à-dire que tu fais pas ça, tu meurs. Et tu fais... Ah mais ça, c'est quand t'es en mythique, ça. Non, même très, pas. Très, très, non, très, non, très haut. Même non. Pas. Quand tu commences... On a wave en... quelques fois, même en normal. Mais hein. Oui, en normal. Oui, mais peut-être pas one-shot. Enfin... Ah si, tu te fais one-shot. Peut-être pas le tank, mais... Ou si, bah si, mais bah, si, parce que vous faisiez bien le truc, quoi. Mais bon, voilà. Donc, voilà, oui, En gros, je pense que le jeu, en fait, la difficulté n'est pas au même niveau. Et c'est vrai que ça demande juste beaucoup de temps, le temps d'avoir de l'équipement, etc. Moi, je vais y jouer. Et moi aussi, je pense. Mais... Aka, viens jouer avec nous. Si, allez. Allez, ruine ta vie. Si tout le monde les joue, peut-être que je t'aiderai. Mais moi, je reste persuadé que la grande majorité des gens vont essayer. Ouais. Qui jouent déjà à WoW. Comme tous les jeux. Hein. Et je pense que 90% des joueurs vont arrêter au bout d'un mois. Parce que. Comme tous les jeux. C'est moins fun maintenant. Oui, mais tous les jeux, que ce soit WoW ou d'autres jeux, ce sera la même chose pour tous. Apex. Donc, Apex. donc en gros, pour conclure là-dessus, donc il sort le 27 août. Il suffit d'avoir un abonnement actif à World of Warcraft pour pouvoir accéder au jeu. Ouais. World of Warcraft. C'est gratuit. Ça, c'est bien. Ouais. Il faut juste avoir l'abonnement. Il faut avoir l'abonnement qui coûte donc entre 11 et 13 euros par mois selon que tu le prennes au mois ou voilà. Ou sur Instant Gaming. Ou, voilà, ou peut-être un peu moins cher si tu prends sur Instant Gaming. Et donc voilà. Donc j'essaierai et on verra. Eh ben ouais, bah, tu pourras venir nous en reparler. Vraiment. Avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir parlé de WoW. Vraiment, c'était intéressant. Puis c'est bien, ça a permis à tout le monde un peu de discuter. Bon, sauf moi qui n'ai pas vraiment joué au jeu. Alors, pour ma part, je vais vous parler du jeu I Am Alive. Je connais pas. Moi non plus. Alors, peut-être ça me dit quelque chose. Ouais. Alors, je crois que quand tu vas m'en parler, ça va tilter. Ce qui se dit, c'est que ça a été développé par Ubisoft Shanghai. Sauf qu'à la base, en fait, le jeu a été développé par un autre studio qui s'appelle Darkworks, qui était édité seulement par Ubi. Et en fait, Ubisoft, face au carnage et à la difficulté du développement, ont rapatrié ça chez eux, à Shanghai, pour faire donc ce jeu qui s'appelle I Am Alive, qui est déjà un titre qui est super vendeur. C'est sorti en 2012, le 6 septembre. On peut encore le trouver exclusivement en téléchargement. Il n'était déjà à l'époque qu'en téléchargement. Donc, qui dit que téléchargement, c'est du double A, donc c'est du petit jeu. Mais ce petit jeu, il a une saveur particulière. Je ne l'ai pas spécialement découvert dans un moment particulier, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce jeu est spécial. Et il l'est encore maintenant. Même en regardant les gameplays, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de très très bonnes idées qui n'existent nulle part autre. Alors l'histoire, c'est Adam, c'est un père qui en dérive aux États-Unis. Il a délaissé il y a longtemps sa femme et sa fille. Donc il les a pas revus depuis un très long moment. Et à un moment donné, il y a un énorme tremblement de terre qui s'appelle le choc, qui en fait dévaste complètement les États-Unis, les villes, etc. Et on va démarrer l'histoire à travers le caméscope du père, qui va en fait faire des vlogs de temps en temps de son voyage. Et on démarre sur son premier vlog où il raconte qu'il revient dans la ville où sont sa femme et sa fille, parce qu'il veut les retrouver. Alors le pitch paraît un peu simple, mais déjà je trouve qu'au niveau de l'histoire du père, c'est déjà un peu cool, que ça soit pas un pur héros. Et on va le voir donc arriver dans cette fameuse ville qui est complètement noyée dans la poussière et dans une espèce d'ambiance très blanche. Et d'ailleurs le jeu a très très peu de teintes, on est presque sur un jeu noir et blanc, on a quelques couleurs, etc. Mais c'est assez sobre. Alors bon, bien sûr il y a des contraintes techniques qu'on verra plus tard. Bon, l'ambiance, c'est évidemment une ambiance post-apo, hein, comme on peut s'en douter, mais pour la première fois, t'as pas de zombies. T'as pas d'infecté, on a des mécaniques de survie, mais ça reste quand même assez simple, c'est boire, manger, des trucs comme ça. Mais par contre, l'univers, il est ultra, ultra, ultra réaliste. Par exemple, il y a des mécaniques d'endurance. Alors ça, les mécaniques d'endurance, on les connaît tous, hein, dans les Zelda, dans les machins, etc. On connaît ce principe-là. Sauf qu'en fait, on sent dans l'escalade, il y a de l'équilibre, il y a de la force, mais c'est toujours présenté comme quelque chose de ultra sobre. Il n'y a pas 1000 barres, il n'y a pas 1000 trucs comme ça. Et par exemple, pendant l'escalade, si tu peux avoir des sortes de piquets d'escalade que tu vas planter qui vont te permettre de te reposer pendant un moment. Et le jeu, il n'y a pas d'ambiance formidable, il n'y a pas une grosse musique quand vous arrivez en haut de l'immeuble à escalader, par exemple, il n'y a pas de grosse mise en scène, il y a juste le vent. Et ça crée vraiment, et quand les perspectives sont vraiment gigantesques, et ça fait vraiment peur. Et il y a un côté ultra brut du jeu qui est hyper intéressant, dans le sens où, vu qu'il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de filtre super bien, etc., ça fait... je sais pas, je trouve que l'immersion, elle est meilleure, elle amène plus à l'imagination, un peu ce que moi j'ai retrouvé dans DayZ, par exemple, qui est très critiquable, ce jeu, mais c'est un peu le principe des jeux un peu bruts, un peu cassés, qui ont été développés par des studios un peu comme ils pouvaient, mais en fait, ça pousse, je trouve, plus à l'imagination, et le fait d'avoir, c'est un peu ce qu'on vient de discuter, en fait, avec WoW, le fait d'avoir des choses simples, mais qui te permettent, dans des mécaniques un peu de pénibilité, certes, mais au moins tu peux, comme ça, je sais pas, avoir le temps de t'immerger davantage. Et c'est vrai que, par exemple, quand je pense à des nouveaux jeux, genre, on vous en a parlé, là, The Division, où là, ça te bombarde en permanence, on parlait là, des TP d'en haut, c'est tout le temps comme ça, en fait, faut aller super vite, tu te TP au donjon, t'as pas besoin d'y aller, tu rentres, tu te fais re-TP, comme on disait avec les pierres de foyer, tu vas, tu farmes, tu reviens en 2 secondes. T'as des messages de tuto tout le temps, t'as tout le temps des coffres, t'as tout le temps des machins. Bah, c'est tout sauf épuré. Non mais il y a les nouveaux jeux, ouais, voilà, c'est pas ça, quoi, c'est du remplissage à mort. Bah, bon, là, ce jeu-là, il est vraiment pas du tout typique de tout ce qu'on connaît d'Ubisoft. Il était, il date déjà. Et il était super, super sobre. Et alors, au-delà des mécaniques en termes de réalisme, donc je vous ai parlé là, de l'escalade avec l'endurance, la force, l'équilibre, bon, ça en soi, ça s'est déjà vu. Les mécaniques de survie aussi, on connaît bien. Par contre, il y a un truc qui est vachement bien, c'est vu qu'on est dans un monde où il y a eu un cataclysme, il y a très peu de survivants. Et dans les survivants, on a des survivants qui galèrent à survivre et qui en fait se traduit des fois par un simple désespoir, des gens qui pleurent et qui sont dans un coin, qu'on peut aider ou pas. Il y a des survivants qui, eux, deviennent agressifs, mais pas agressifs comme des pilleurs, etc. Alors, il y en a, je vais en parler juste après. Mais on a des personnes qui sont devant leur maison et qui disent « n'approche pas, n'approche pas, n'approche pas ». Et on a le choix de les agresser ou de pas les agresser, de partir. Vraiment, il y a plein de trucs comme ça. Et il y a une mécanique que je trouve complètement folle. C'est justement, il y a d'autres pilleurs avec des machettes et des choses comme ça. Et en fait, on récupère on a un pistolet dès le départ. Sauf que comme dans n'importe quel jeu de survie, il n'y a pas beaucoup de balles. Mais vraiment pas beaucoup. Ça se compte à l'unité. On trouve 1-2 balles. Et en fait, il y a toute une mécanique de dissuasion par l'arme à feu, mais sans les balles. C'est-à-dire que vous pouvez braquer un mec. Il pense que vous avez une balle dans le flingue, et si jamais vous en avez une, bah vous pouvez tirer en l'air et le rebraquer, par exemple. Ou vous pouvez, si vous n'avez pas envie de le tuer, par exemple. Si tu tires et que tu n'as pas de balle. Voilà, et bah si vous faites clic, clic, et que le flingue, et que là, le mec vous court dessus, et vous pouvez. Il y a une autre mécanique aussi sur certains gangs, enfin sur des groupes, disons, en fonction de la psychologie et de la manière dont réagissent le groupe, vous arrivez à déterminer qui est le leader, et si vous tuez le leader, les autres se laisseront plus facilement amadouer par votre flingue, en fait. Et donc, avec une seule balle, vous pouvez braquer 3 mecs. Et après, vous avez le choix, soit de partir, donc vous les braquez et vous reculez. Ah oui, vous pouvez aussi, il faut les braquer par intermittence, parce que si vous en braquez toujours un, bah, le deuxième va se décaler au fur et à mesure pour venir vous choper du côté. Et en fait, vous pouvez les braquer comme ça et les pousser genre au bord d'un ravin ou au bord d'un immeuble, et vous pouvez arriver devant et faire genre d'ici Sparta, tu vois, bam, gros coup de pied dans le bide. Et j'ai regardé un game play de ça, et le mec tuait tout le monde alors que moi j'ai le souvenir d'avoir tué quasi personne, de jamais avoir tué quelqu'un par plaisir. J'essaie toujours de me barrer ou de faire quelque chose, et mais j'ai des souvenirs où je cours et les mecs me courent dans le dos. Mais c'était imposé tout ça, ces rencontres, ou c'est un monde ouvert et tu peux esquiver? Alors c'est pas vraiment un monde ouvert, ça paraît ouvert, il y a des zones, mais on sent bien que par le level design qui fait un peu post-apo avec des murs cassés, des choses comme ça, on sent qu'on peut pas sauter en bas, ou on peut pas vraiment sauter, en fait on peut monter sur des trucs. Ça fait zone ouverte, mais en fait non. Ouais, voilà, c'est ça. Comme Last of Us sur certains, oui, passages. Oui, typique de The, okay. Last of Us, ouais. Mais je trouve que The Last of Us, il y a une belle mise en scène, il est super beau, et c'est une belle histoire, en fait. Mais l'immersion, le jeu est pas, je trouve qu'il est pas assez cassé pour tu devines des trucs, quoi. Tu te laisses aller par l'histoire, les personnages sont hyper bien écrits. Tu te laisses porter du début à la fin dans The Last of Us. Ouais, voilà. Et c'est pas le cas dans I Am Alive, du coup. Non, parce que le scénar, c'est d'aller, déjà tu retournes chez toi à ton appartement très rapidement, et très rapidement ta femme et ta fille sont plus là. Donc en gros, tu vas quand même essayer de les retrouver dans la ville, et en l'arpentant, tu vas croiser 2-3 personnes, tu vas croiser une petite fille qui est toute seule et qui est malade, Donc tu vas décider de l'aider, etc. Tu la prends avec toi sur le dos. Mais on n'est pas du tout dans du pathos. Il y a quelque chose de vraiment intéressant. En fait, et là, on sent vachement la route dans le type d'inspiration. On est vraiment sur des trucs très matures, voilà, sans fioritures, assez réalistes. Et vraiment, moi, ce jeu, quand je l'ai terminé, pourtant, le jeu est vraiment pas long. Tu peux le faire en 3 heures. C'était vraiment un jeu exclusivement en téléchargement, le genre de petit truc que tu te récupères. Et je sais pas, ça m'a vraiment touché. J'ai été vraiment ému par le jeu. Je pense que je me suis vraiment laissé avoir. Pourtant, vraiment, c'est un double A, donc c'est pas oufement bien fait au niveau des visages, etc. Mais... Tu l'as fait sur quoi, du coup ? Sur PC ? Je l'avais fait sur Xbox 360. Sur 360. Ouais, à l'époque. Et du coup, le jeu, il est sorti en 2012, donc c'est une éternité dans le monde du jeu vidéo, ouais. Tu le conseilles maintenant ? Ouais. À faire maintenant ? Ouais, ouais. Rien que pour les mécaniques de flingue et tout ça. Tu peux que le retrouver du coup sur 360. Non, tu le retrouves, j'ai regardé, tu peux le trouver sur Uplay ou sur Steam à 14 balles. Mais il est pas sorti en physique. Ah non. Pas du jamais, tout. Non, jamais. Ouais, bah merci, ça a l'air intéressant. Enfin moi, quand tu m'en parles comme ça, ça fait... Enfin... Merci. Eh ben de rien. Nous allons continuer sur la deuxième partie de notre podcast intitulée L'ombre du colosse. Et c'est Aka qui va démarrer la chronique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler pour une fois d'une musique qui est tirée d'un jeu de mon enfance qui m'a pas mal marqué. C'est un jeu que j'ai refait il y a 4-5 ans et il est toujours aussi bon. C'est Grandia. Donc on va écouter la musique tout de suite. Voilà, le thème, c'était The Theme of Grandia. Vous avez kiffé ? Je m'attendais à une pub pour une marque de lait, mais du coup... Ça pourrait être épique comme pub, non ? Ah, c'est super, ah, ouais, c'est très épique. Je sais pas, épique, je sais pas si c'est le mot. C'est hyper épique ! C'est parce que... Tu trouves pas que c'était épique ? Je sais pas. Bah, si. C'est peut-être parce que t'as pas fait le jeu Grandia, aussi. Ça défonce. Je pense que c'est pour ça. Grandia, ça défonce. Ouais, mais quand j'entends juste la musique comme ça, ça me... Je sais pas. Oh, t'as envie de partir à l'aventure direct, quoi. Ah, c'est ouais. Non, mais si, c'est vrai, carrément. Si, c'est... Au moins un qui suit. Non, mais oui, bien sûr. Ah, mais je peux comprendre que... C'est... J'ai joué un peu à Grandia. J'ai jamais beaucoup joué. J'ai joué un peu, ouais. Oh, tu m'impressionnes tellement, là. C'est un RPG japonais, donc c'est ça. Un petit peu, forcément. Moi, ça me ramène à une époque où j'avais... Je dois avoir 11-12 ans. C'était mes premiers JRPG, donc les premiers émois vidéoludiques. Grandia, c'est... C'est pas ultra original en soi, mais tout est bien fait dedans. C'est l'histoire de Justin, c'est un jeune ado qui fait des bêtises avec son ami d'enfance, Sue. Et Nomas, tu rigoles parce que c'est Justin, c'est ça qui s'est arrivé. Oui, je pense à Justin Bruno, oui, j'imagine un petit garçon qui fait des nunchaku avec un saucisson accroché avec une ficelle. Pareil. Bah écoute, la localisation française. Hein. D'ailleurs, je pense pas qu'en japonais il s'appelle Justin. J'ai jamais vérifié d'ailleurs. Je sais pas. Justin. À mon avis, non. Bah, à mon avis. Non. Et bon, en tout cas, moi je l'ai connu comme ça. C'est Justin, son ami Sue. Justin, il a un rêve dans la vie, c'est qu'il veut être aventurier, comme son papa qui l'a abandonné quand il était jeune. Donc ça, c'était déjà un peu bizarre. Mais bon, il veut quand même devenir aventurier. Est-ce que son père, il a pas été faire de la charcuterie dans le Vercors? Ça doit être ça, ça doit être ça. C'est ouais. L'un des twists de la fin du jeu. C'est ça. Bravo le spoil. Et donc il décide un jour de quitter sa ville natale pour partir à l'aventure. Je vous ai parlé des détails scénaristiques, mais l'une des premières grosses étapes de l'aventure qui est très guidée au final, c'est un endroit dans le jeu qui s'appelle le bout du monde. Et donc bien avant Game of Thrones, le bout du monde dans Grandia, c'était aussi un gigantesque mur, mais pas de glace celui-ci, un mur de pierre qui est tellement haut que personne n'a jamais vu ce qu'il y avait au-delà. Et Justin, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a au bout du monde. Est-ce qu'il y a vraiment le bout du monde? Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc pendant cette phase de jeu, est-ce que la Terre est plate? Bah, ça se pose la question quand même. Pendant cette phase de jeu, c'est un donjon qui doit durer à peu près quand même 1h30. Donc c'est quand même plutôt assez long, manette en main. Où t'as 10 étages. Et c'est raconté de telle manière où tous les 3-4 étages, les aventuriers qui te contrôlent, donc t'as juste un su et une troisième qui s'appelle Fina, une autre aventurière. Et ils s'arrêtent pour camper parce qu'il y a une journée qui est passée en fait. Donc ça te fait ressentir le temps qui passe. Tu passes 3-4 jours à escalader le mur. Tu bats des mobs, il y a beaucoup de combats, il y a des énigmes. Et dans un moment, il y a un campement, ils parlent autour du feu, ils commencent à désespérer et tout. Puis à la fin du repas, tu vois un rayon de soleil. Donc c'est de la PS1, c'est pas beau, mais à l'époque ça te faisait rêver, toi. Tu vois un rayon de soleil qui perce. Et ils se disent, ouais, ça y est, on voit du soleil, se dire qu'on est vers le haut. Ils font deux pas, ils montent deux, trois escaliers, ils sont en haut du mur, et à ce moment-là, t'as la musique là, qui passe. Et quand t'es gamin, quand t'es à fond dans l'histoire, que t'es amoureuse de l'héroïne du jeu, que t'es très attaché au personnage, qu'il y a la musique qui se lance, que t'as le panorama devant toi, qui est au final pas très beau quand tu regardes maintenant, mais à l'époque ça te fait rêver, bah ça te donne les chills, quoi, ça te donne les frissons. Et ce moment-là que j'ai vécu quand j'étais jeune, j'en ai toujours maintenant encore un souvenir impérissable. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends cette musique, bah, j'ai toujours un petit peu des chills. Et ce que on en parlait avec PH, parce que PH ne comprend pas pourquoi j'écoute pas de musique. Non, on verra. Ou pas de moi-même en tout cas. Mais ce genre de musique qui sont attachées à un souvenir, bah, ça ne dérange pas de les réécouter. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous et en profiter pour vous conseiller Grandeur. Le bien, merci pour cette recommandation. Merci. Merci. PH, de quoi vas-tu nous parler pour cette ombre du colosse? Je vais vous parler de ma très, très grande passion depuis un an maintenant. Je vais vous parler d'e-sport. Ah, c'est ton moment, PH. Là, vas-y. Voilà. Je vais vous parler d'Overwatch League. Ça, c'est bien. Est-ce que tout le monde... Bah, oui. Je pensais que tu allais faire ça à la partie 1, moi. Ah non, on m'a dit de parler d'un jeu vidéo, je n'allais pas parler d'Overwatch. Je vais parler d'Overwatch League. Alors, Overwatch... C'est un jeu sorti en 2016, édité par Blizzard. Donc c'est un FPS à rôle, on va dire ça. Un mix entre un FPS et un MOBA. C'est exactement ça. Et donc du coup, l'Overwatch League, c'est toute la partie compétition e-sport qui s'est développée sur le jeu. Donc en fait, le jeu a clairement été fait dès le début et créé pour avoir un optique e-sport. Et du coup, l'Overwatch League, c'est la première compétition de jeux vidéo qui est officiellement reconnu comme un vrai, je mets entre guillemets, sport aux États-Unis. C'est-à-dire que les joueurs d'Overwatch League aux États-Unis ont le même statut qu'un joueur de basket, qu'un joueur de football américain. Ils ont exactement le même statut. Ils ont le même visa, etc. etc. Alors, comment ça se déroule? L'Overwatch League, pour l'instant, se passe uniquement dans la Blizzard Arena à Los Angeles. Toutes les équipes jouent offline là-bas, toutes les semaines, pendant un laps de temps, etc. Et la saison dernière ça se déroule en gros en 4 stages. Donc t'as 4 gros blocs qui doivent, je sais pas combien ça doit durer genre à peu près un mois. Et 12 équipes sont divisées en 2 divisions, Atlantique et Pacifique, comme pour le basket, comme pour le truc, t'as toujours ça deux... Ça prend vraiment les codes... C'est exactement la même chose, en fait, au final, quoi. Et... à la fin de ça, t'appelles la saison régulière. À la fin de la saison régulière, tu as un classement du premier au dernier. Et ça change suivant les saisons. Mais tu as le top 8 en général qui accède aux playoffs. C'est-à-dire que c'est de nouveau une compétition. C'est exactement la même chose comme ça se passe au basket, etc. Ouais. Donc tu as les playoffs, c'est-à-dire que les 8 meilleures équipes se rencontrent dans un tournoi. Huitième de finale, quart de finale, machin, et arrive au grand vainqueur. Donc l'année dernière, la grande finale, ça s'est déroulé à Philadelphie dans un énorme stade, c'était dans le stade de basket, je crois, à Philadelphie. C'était absolument hallucinant, c'était blindé, c'était ouf. Et du coup, les vainqueurs de l'année dernière, c'était London Spitfire. Oui, les Anglais. Voilà. Sauf qu'en fait, non. Qui est une équipe full coréenne. Forcément. Et oui. Voilà, c'est ça. Mais alors, parce que moi, je pensais que on parlait d'équipes qui étaient purement américaines. Alors, c'est ça que je vais réexpliquer. Donc, du coup, là, j'essaie d'expliquer à peu près comment ça se déroulait. Donc, pour la première saison, il y avait 12 équipes. Il n'y en avait pas plus ? Non, il y avait 12. Hein. Non, il y avait 12 équipes. D'accord. Il y avait 12 équipes. Je pensais que c'était passé de 16 à 24. Non, ils sont passés de 12 à 20. Et là, il y a 20 équipes. Oui, seulement. D'accord, oui. Okay. Et donc, chaque équipe a des franchises. Enfin, chaque équipe est une franchise. Exactement, encore une fois, comme dans le sport traditionnel. Tu vas avoir, les Lakers de Los Angeles, et machin. Sauf qu'aux États-Unis, tu as uniquement des équipes c'est américaines. C'est pour ça que tu as tous les produits marketing autour. Exactement, c'est ça. Les hoodies, les casquettes. C'est ça qui marche de ouf. Hein, oui. Voilà. Et du coup, sauf que là, vu que c'est mondial, en fait, au final, ils ont voulu ouvrir ça à d'autres pays. Ce qui fait que tu as des franchises qui sont quand même basées à Los Angeles, etc., mais qui viennent d'autres pays. Donc c'est pour ça que tu as des équipes qui viennent de Chine, de Paris. Ouais, ça c'est pour la nouvelle saison là, en 2019. Bon, on va faire. Ah d'accord, ok. Ah. On va faire ouais, comme, à l'état Londres, actuel. Paris, hein. Il y en a en Chine. Tu as 4 équipes chinoises. Théoriquement, tu as 2 équipes européennes, Londres et Paris. Et tu as 2 équipes canadiennes, Montréal et Toronto. Et sinon, c'est des équipes américaines. Et t'as une équipe de Corée, donc t'as Séoul. Voilà. T'as aucune. En général, l'organisme qui est derrière l'équipe, c'est un organisme qui vient du pays. Par exemple, les équipes chinoises, c'est des organismes qui viennent de Chine. C'est des investisseurs qui ont acheté. C'est que des énormes patrons. C'est des gros, gros patrons. C'est des financiers. C'est des gros financiers. C'est des énormes structures. Par exemple, les 3/4 des équipes américaines, comme Philadelphie ou des trucs comme ça, c'est les mêmes patrons qui ont les équipes de basket, qui ont les équipes. C'est énorme, quoi. Par exemple, Philadelphie, c'est Comcast. Comcast, c'est MTV, etc. Donc, il y a énormément. Mais j'imagine énormément que pour eux, c'est pas un si gros investissement que ça, l'Overshot Watch League, par rapport à une équipe début, de basket. Au début, je sais que on n'a pas les chiffres, en gros, mais je sais qu'au tout début, quand ça a été créé, ils parlaient de 2 millions le slot. T'acheter pour 2 millions le slot. Là, maintenant, c'est passé quasiment à 34 millions le slot pour la deuxième saison. Parce que 2 millions, ça me paraît pas beaucoup. Oui. Ça. Ouais. 34 millions, c'est pour avoir le droit d'être représenté. Après, derrière, t'es obligé de payer les joueurs, de payer les locaux. De payer des trucs, de payer une structure, c'est quand même pas parce mal. Que toi qui suis beaucoup l'Overwatch League, est-ce que vraiment ça génère des vues et de l'argent? Ben, il y a énormément de vues. Alors oui, mais je sais pas, t'as lu l'article, il y a eu un gros article qui est tombé chez Kotaku. Oui, sur l'explosion de la bulle ouais. Sport. Ouais. Il y a une vraie question, même sur Twitter, après j'ai suivi un peu des threads, où les mecs posent la question de est-ce que vraiment, enfin pour le journaliste c'était clair, l'investissement était beaucoup trop important pour le rendement. Qu'en gros, ça ne pouvait pas tenir et que a toujours augmenté, comme on vient de l'entendre, les prix de tout, des slots et tout ça, arrive à un moment donné où ça va s'écrouler. C'est la question que je me pose, c'est avec quoi ils gagnent de la thune en fait? Bah avec le merch, mais même ça ramène pas assez. Le merch, les vues, les pubs. Des pubs. Les pubs. Les pubs. Parce que enfin, il faut savoir qu'aux États-Unis, chez nous, on peut suivre seulement on suit la compétition sur Twitch. Chez nous, oui. Sauf qu'aux États-Unis, tu suis toujours également sur Twitch, mais tu peux parce que je sais plus, ils avaient passé un contrat, c'était un contrat avec Twitch, je sais pas, en millions et en millions de dollars de thunes que Twitch a payé pour pouvoir retransmettre le truc. Et sinon, aux États-Unis, c'est diffusé sur Disney XD. Donc Disney XD, c'est comme si c'était, je crois qu'on l'a aussi en France, mais oui, on a Disney XD. Mais c'est pas diffusé. C'est accessible à tout le monde, c'est diffusé en direct, c'est diffusé sur au moins 4 chaînes d'ESPN, donc c'est comme les Eurosport chez nous, enfin tout le monde connaît ESPN, c'est énorme. Au niveau des vues, Twitch, etc., enfin, c'est quasiment 60, 80 000 spectateurs monde par constamment, c'est-à-dire que c'est pas des énormes chiffres. Mais c'est tout le temps. Sans compter qu'on n'a pas le truc, soi-disant que les plus grosses audiences et les plus grosses thunes qui se font, c'est en Chine. Mais parce que Twitch n'existe pas en Chine, c'est un autre truc qui s'appelle le Bilibili, je crois que c'est un truc comme ça que ça s'appelle, c'est la même chose. Et c'est eux qui ont énormément, parce qu'ils sont, forcément les Chinois sont beaucoup, et ils investissent des sommes énormes par rapport à la Chine. Donc, je pense qu'ils se font, pour la preuve, c'est qu'il y a 4 équipes chinoises en Overwatch League, c'est qu'il y a une raison. Oui. Donc, quand tu joues pas Overwatch, je peux comprendre au niveau de la visibilité que ce soit un peu compliqué à regarder. Vu que j'y joue, ah oui, j'ai du mal. Je ah, tu parles en tant que spectateur. En tant que spectateur, oui, parce qu'on comprend pas ce qui se passe. On comprend pas ce qui se passe. Et si t'es pas joueur, c'est chaud. Oui. Ouais. Mais d'un autre point de vue, je trouve que c'est un peu pareil. Moi, pour les, c'est un argument que tu peux mettre ça pour tous les jeux. Je joue pas à LoL. Ah oui. Je trouve ça irregardable. Mais il y en a d'autres dont c'est beaucoup plus simple. Genre des FPS, tu vois, ou certains Battle Royale. Oui, c'est le dernier. C'est parce qu'on te dit, voilà, en gros, ils sont dedans, c'est le dernier qui est vivant qui survit, les règles sont pas compliquées, et le reste, peut-être, oui, c'est. Enfin, voilà, il y a des trucs. Non, Overwatch implique quand même de connaître les pouvoirs de chaque personne, de connaître les combos des personnes. Quand même, bien sûr, oui, mais ils font quand même énormément d'efforts quand tu regardes vraiment le stream officiel. Pour moi, c'est les meilleurs streams officiels que tu peux regarder. Enfin, t'as des commentateurs sur place, t'as des gars qui font des arrêts sur image et qui t'expliquent les trucs, t'as beaucoup de reportages sur les joueurs sont vachement starifiés et tout. Soon. Voilà, c'est ça exactement. Mmh. Et on peut également rappeler que beaucoup de joueurs, enfin pas mal de joueurs français sont représentés en Overwatch League, donc Cocorico pour nos joueurs français. J'adore regarder ça, je suis très très souvent, et voilà, donc je suis Paris, bien sûr. On peut espérer que ça continue comme ça, et que ça se casse pas la gueule, quoi. C'est ça. Oui, en même temps, personne ne l'attend. D'ailleurs, le journaliste, j'ai pas très bien saisi chez Kotaku. C'est une question qui se pose. Mais il a l'air tellement virulent qu'on avait presque l'impression qu'il attendait cette explosion de bulle. Oui, c'était un peu genre le rageux qui comprend pas. Pour moi, c'est un peu les mêmes problématiques que les gens qui s'attendent à ce que la télé meure. Sauf que la télé ne meurt pas et ne va pas mourir parce que tous les gens qui ont de l'argent à la télévision achètent ou vont racheter, ont tellement d'argent qu'ils vont pouvoir racheter n'importe quoi qui va sortir de nouveau. Donc il y aura toujours de l'argent qui va être investi dans les trucs comme ça. Oui, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, ça sera toujours la même chose. Ça va juste un peu changer de différence. Et après, pour extrapoler un tout petit peu, il y a quand même d'autres articles qui tombent très sérieux, qui annoncent que le jeu vidéo, à contrario de l'article de Kotaku, qui va devenir en gros le sport ultime au-dessus des autres. Mais aussi ce genre d'article qui tombe. Ce qu'on a dans plein de dystopies futuristes, dans des films, etc. Type Ready Player One, mais ça encore, là c'est un monde ouvert, mais il y a plein de films qui parlent de ça. Moi, si je me posais la question, c'est que je suis quand même pas mal d'actualité du jeu vidéo et j'ai l'impression que l'e-sport c'est un truc vraiment à part de l'actualité classique du jeu. Ouais, mais regarde comme je viens de l'expliquer, t'as vu le développement. Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas autant que ça représente. Tu vois. Parce que quand tu regardes le tennis, le foot, il y a les gens, genre mon père il regardait Roland Garros cet après-midi, mais enfin moi je vais être mon père dans quelques années. Tu me mets pas devant le Roland Garros, par contre tu me lances l'Overwatch League, je comprends comment ça se joue, je regarde un match d'Overwatch League sans problème. Match OM-PSG, je m'en bats les couilles. C'est juste que le sport traditionnel, c'est des règles que tout le monde connaît depuis 100 ans. C'est quand même plus simple. Et c'est beaucoup plus jeune. Pousser un ballon dans des filets, c'est pas connaître comment Reinhardt, Zaraia, Tracer... Quand charger avec Reinhardt. Voilà, c'est ça. Mais pareil, l'engouement. Pourquoi tout le monde meurt? Mais l'engouement est énorme. Enfin, on s'est rendu l'année dernière à la Coupe du Monde à Paris au stage pour voir la Coupe du Monde Overwatch. Et c'était ouf. L'ambiance était magnifique. C'était génial. Je précise pour les auditeurs qu'on y était tous les quatre. Oui, voilà, on était tous les quatre et c'était génial. Oui, c'était ouf. Et du coup, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me rendre dans un stade. Et d'aller voir les joueurs jouer, quoi. Parce que... Mais je crois que là, cette fois-là, c'était assez exceptionnel qu'il y ait autant d'ambiance. Même les présentateurs le disaient, qu'ils n'avaient jamais vu ça, les joueurs aussi. Parce qu'ils ont l'habitude de toujours se jouer aux mêmes endroits. Le public américain est connu pour tout, hein. Le public américain, pour les concerts, est connu comme étant blasé. Ah ouais? Ouais, c'est pour la musique, c'est ça aussi. C'est que le public américain est blasé... Enfin, c'est des stéréotypes de dire ça, bien sûr. Mais nous, ils en ont tout le temps de ce genre de trucs. Nous, là, quand ça s'est passé en France, c'était la première fois qu'il y avait un événement comme ça, qui était international. T'as des compétitions qui sont locales, ou comme genre la DreamHack, ou ce genre de choses. T'as des conventions qui sont en France avec des compétitions. Mais là, en plus, t'avais l'équipe de France qui jouait. C'était comme si tu voyais l'équipe de France de foot, quoi. Les gens avaient des maillots, c'était ouf. Et en plus, que je reviens à l'Overwatch League, à partir de l'année prochaine, il va y avoir de plus en plus. Le but de Blizzard, ils ont construit la Blizzard Arena pour faire jouer tous les joueurs, mais leur but final, c'est que tout le monde joue chez soi. Donc, c'est-à-dire que Blizzard, que l'équipe de Paris, par exemple, joue à Paris, l'équipe de Londres joue à Londres, l'équipe de Shanghai joue à Shanghai. Au niveau infrastructure, pour l'instant, c'est toujours pas possible encore à cause des délais de... Et que tout se fasse en ligne. Quoi. Que tout se fasse en ligne. Non, pas de spectateurs sur place. Tout le monde ait une arena. Tout le monde a une arena. Comme tu joues au Parc des Princes quand tu joues à Paris, pour le foot. Et tu veux dire que les équipes quand même jouent en offline, mais à domicile ou à... Pour l'instant, ils sont encore pas au point au niveau des délais parce que... Vachement écologique, ping, c'est un niveau avion. Hein. Mais c'est ouf en soi. Oui, c'est-à-dire oui. que tu vas avoir les comme pour le sport traditionnel. Oui. Donc tu vas pouvoir créer une énorme fanbase. Tu sais que ton équipe va jouer là, ton équipe va jouer machin, etc. J'attends vraiment ça. Eh bien, merci pour cette approche vraiment très intéressante. Merci. Allez, Paris. PE, de quoi vas-tu nous parler pour cette ombre du colosse ? De la même manière que AK, je vais vous parler d'une musique de jeu, un petit jeu qui s'appelle World of Warcraft. Je connais pas. Vous connaissez pas non plus. Je connais pas non plus. Ça me dit rien. Alors. Je reste sur la thématique ce soir. Alors, on va écouter, si vous voulez, maintenant. Je pense notamment à certains thèmes en particulier. Voilà, cette musique-là, personnellement, ça évoque tout de suite beaucoup, beaucoup de souvenirs. C'était, il me semble, la musique de l'écran de connexion de World of Warcraft, et je me demande si c'est pas toujours la même. Alors, je peux t'assurer que c'est la même d'il y a 6 mois. Mais, et puis en même temps, c'est vrai qu'il y a une partie qui fait penser un petit peu à la musique qu'on entend quand on arrive à Orgrimmar, la capitale de la Horde. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, je crois que je l'ai associé à la musique d'Orgrimmar, parce que quand je me loguais, j'étais directement dans Orgrimmar. Dans Orgrimmar, ouais. C'est possible. À vérifier. C'est possible. Mais c'est vrai que je trouve que cette musique-là, mais en fait, comme plein d'autres, en fait, elle est puissante. En fait, il y a un côté, viscéral avec les tambours de guerre. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as passé la musique de Grandia, forcément, tu as une connotation avec cette musique parce que elle t'a remise, c'est forcément très associé à un souvenir et à l'état dans lequel tu étais au moment où tu l'as entendu la première fois. Et moi, quand j'ai entendu ta musique de Grandia, je suis c'est sympa, mais là, forcément, moi, celle de c'est parce que tu attendais de passer ta musique à toi, c'est possible, mais tu vois, c'est vrai qu'il y a un côté, il y a eu un côté, j'allais dire épique, mais c'est même pas que épique, c'est il y a un côté vraiment guerrier et tribal un petit peu que je trouve. Moi ça me pro-trip un petit peu quand j'entends ça. Il y a un côté vachement viscéral. Et ça me donne envie de prendre ma hache à deux mains et d'aller découper des gnomes. Quoi. Et c'est 100% d'accord. Voilà. Ouais, 100% d'accord. Voilà. Et c'est vrai que de manière générale, les musiques de World of Warcraft sont vraiment pas mal. Quand on arrive aussi dans la capitale humaine, c'est le même truc. C'est une autre musique, mais qui est aussi super sympa. Et même après, quand on est simplement dans les régions, on fait des quêtes, si on met le volume du jeu, qu'on met le casque et qu'on écoute, c'est magnifique. C'est super. Vivant et ça marche dans... Il y a certaines zones, ça doit parler à chacun différemment, mais je sais que moi, il y a certaines zones où j'adorais aller dans la zone juste parce que la musique, elle défonçait. Mmh. Ouais. Je pense notamment à l'extension Mist of Pandaria. Ah, la musique était vraiment magnifique. Ouais. Ouais, moi, ma préférée, je crois que c'est celle des Grisons à Votlek. Ouais. Ouais. J'adore. C'est un espèce de truc un peu... Je sais pas, une espèce de petit violon comme ça. J'adore. Ils savent installer l'ambiance, c'est clair. Ouais, franchement. Directement. Et puis c'est ça qui est ouf, c'est qu'en l'espace de... C'est vachement bien fait parce que quand tu changes de zone, la musique arrive vraiment progressivement comme ça, et puis tout de suite ça te met direct dans l'ambiance. En général, tu changes de décor et tout de suite ils ont réussi tout de suite, t'es là, tu dis, ah ouais, ok, il va se passer ça. Ah, je suis dans la neige, ah, je suis dans le désert, ouais, je suis c'est dans vrai. Le truc. Et dans la jungle. Et... qui est souvent lié à la race affiliée ouais, à la sûr, zone. Bien ouais, bien sûr, oui, c'est ça, tu vas avoir des musiques plus tribales dans chez les trolls et chez les trolls. Enfin, moi, je sais que, je sais pas, je suppose que pour toi, c'est pareil, mais moi, je peux écouter des fois des compiles de zik comme ça en fond pour bosser. Ouais, les musiques de WoW, elles sont bien adaptées là. Mais je me pose la question, dans WoW, quand il y avait des combats, ça changeait la musique? Non. Parce qu'en ce moment, je joue à FF14 et c'est le cas. Oui, là ça change, bah, comme dans les autres FF en fait. Mmh. Ouais. Et du coup, tu te rends plus. Musique de FF14, je joue pas, mais j'en ai entendu, ça a l'air absolument ouf aussi. Ouais, ah, ouais, vraiment sympa. Ils sont revenus. Pas connus les musiques de FF non plus. Hein. Non. Non, pas du tout. Peut-être qu'on en parlera un jour. C'est quoi comme jeu, FF? Final Fantasy, je crois. D'accord, la dernière fantaisie un peu. Ouais, peut-être qu'un jour j'en parlerai, j'ai passé 2-3 heures. Ok, ouais, d'accord. Vite fait. Ça marche. Donc voilà, c'était tout. Écoutez les musiques, elles sont cool. Ouais, bah, je les mettrai en parallèle de ta petite rubrique. Cool. Tout du long. Merci. Ça sera agréable. Merci PE. Alors pour ma part, je vais arriver sur un truc polémique. Aka est déjà au courant. Ouais. Je vais vous parler. J'ai failli poser mon veto. Non, mais on va un peu discuter, je pense, parce que il y a des. J'ai failli poser mon veto, mais t'assumes convaincre à peu près. Ouais. Alors en fait, j'aimerais revenir sur l'espèce de polémique, je trouve un peu moisie autour du jeu Rape Day, qui était en fait, il y a eu une polémique sur le maintien ou pas de la vente sur Steam de ce jeu qui est donc le jour du viol. J'ai pas du tout entendu parler de ce truc. Alors, c'est les images que tu nous as envoyées là. Oui. Un truc horrible. Alors en fait, juste pour expliquer le jeu, c'est tout le jeu est basé sur des rendus 3D typiques. Moi qui bosse en infographie, c'est pré-calculé. D'accord. On te demande de faire des choix et en gros ça t'emmène sur des écrans différents et c'est typique. C'est un visual novel. Oui, c'est un visual novel. Donc, dans la structure, ça a tout. Alors là où le masque, il n'y a pas de gameplay. Hein. Non, il n'y a pas de gameplay. Et la polémique, elle est sur est-ce qu'on a le droit de mettre en vente un jeu sur le viol. Sauf qu'en fait, vu que c'est un visual novel, choisir textuellement. La polémique, c'était est-ce qu'on a le droit de mettre en vente un jeu qui fait l'apologie du viol. Oui, c'est ça. Parce c'est un jeu où il y a un viol dedans, c'est pas pareil. Sauf qu'en fait, oui, alors je suis d'accord avec vous. Ça, c'est quand on réfléchit un peu. Sauf qu'en fait, quand on regarde la presse, oui, Rape Day, le jeu qui vous permet de violer des femmes. Et voilà, c'est ça. Est-ce que le jeu te permet de choisir entre, genre, A, violer la personne, ou B, ne pas violer la personne? Exactement. Et c'est le cas. Ouais, là, sauf que, tu peux décider de le faire ou pas. Moi, j'ai essayé de faire le good guy pendant un moment, et en fait, t'as un game over au bout d'un moment. D'accord. Clairement. Mais donc est-ce que le but du jeu le jeu te dit à un moment donné si tu ne choisis pas là au début ça démarre sur un harcèlement, si tu n'harcèles pas sexuellement la personne tu ne peux pas continuer le jeu. D'accord. Et là, mais est-ce qu'après le jeu par exemple te punit? Oui te dire, pour te dire genre t'as fait ça, t'as fait cette action, mais derrière faut que tu assumes les conséquences. Non. Ce genre de choses. Non. Ah, mais même si c'était là, le c'est cas beaucoup mais, trop plein. Même non, si c'était le cas je pense que non mais je sais si maintenant c'est déjà RIP le jeu toi. Enfin, oui, d'accord, c'est hyper problématique, mais si maintenant on te dit... Est-ce que tu moralises ça, est-ce que derrière, on te moralise en disant, voilà ce qui se passe, ça peut, je sais pas... Oui, d'avoir une sorte de dégringolade. De dégringolade, en te dire, oui. Bah voilà, t'as fait ce choix à tel moment, mais derrière, tu payes. Ça te pourrit, quoi. Je pense qu'il faut, on va peut-être partir un peu loin, mais je pense qu'il faut penser aux gens qui sont un petit peu borderline, qui sont un petit peu à la limite de... passer à l'acte ou qui y pense, tu vois. Je suis pas d'accord avec ça parce que. Et ce genre. Il y a beaucoup d'études psy qui ont été faites et ce genre de jeux peuvent, au contraire de ce qu'on pourrait penser, favoriser le passage à l'acte. Oui. Sur des gens qui sont un petit peu. J'ai aussi trouvé des recherches scientifiques, vraiment avec des sources, etc. Je les mettrai en lien, d'ailleurs, je les ai gardées. Ce qui annonce, en fait, les études, mais. Ça banalise le truc, toi. Voilà, en fait, au-delà de banaliser l'acte, ça amène à accepter ce qu'on ressent. Alors bien sûr, il y a toujours, c'est un peu ce qu'on discutait avec Aka avant, c'est de se dire si on regarde ça de manière artistique, il faudrait pas avoir de frein. Le problème, c'est que ça a un vrai impact sociétal et on dit on est au sein d'une cité et donc la cité a des règles et le viol n'est pas bien vu et donc là ça incite le viol ou du moins ça le banalise d'une manière assez considérable. Et donc ça pose un vrai problème. Moi ça m'interpelle quand même parce que j'ai pas du tout suivi la polémique par rapport à ça, mais quand j'entends vos arguments, j'ai l'impression d'entendre des gens qui disent les jeux ou les jeunes, ils vont tuer des gens avec leurs mitraillettes, après ils vont aller tuer des gens dans la vraie vie. C'est ça, tu peux faire le même parallèle. J'ai l'impression d'entendre ça et je me dis mais pourquoi ça serait faux dans le cas des gens ou quand on va tuer des gens dans un champ de bataille et pourquoi là ça pousse les gens à violer non, alors justement, mais il y a un vrai truc, il y a un vrai point commun, c'est en fait ça ne dit pas que si tu ne pensais pas violer, ça te pousserait à violer, ce que tu viens de dire, c'est ce qui se disait sur la violence, genre un gamin qui est pas prédisposé à être violent va générer de la violence. Ça malheureusement j'ai pas de réponse là-dessus, ça a été plutôt démonté durant les années. Là c'est de dire que ça peut des gens qui peuvent être dérangés sexuellement parlant, ça peut les pousser à aller plus loin, à passer à l'acte. Mais dans des gens violents, voilà, des gens violents, du coup ce que tu dis c'est ça. Que oui. S'ils jouent à Call of Duty, ils peuvent se passer à l'acte. C'est ce qui, oui, voilà. Donc, d'une certaine manière, quand les médias ils disent un tel qui a fait une tuerie, il jouait à Call of Duty, et ben dans ce cas, là, tu défends la thèse que oui, c'est vrai, et c'est peut-être à cause de Call of Duty qu'il allait tuer les gens. Qui a été un élément déclencheur. C'est mon avis. Je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites sur le sujet qui montrent que les jeux vidéo, lorsqu'ils sont consommés de manière trop intense et que surtout certains jeux frustrants peuvent avoir tendance à augmenter l'agressivité et pas forcément le passage à l'acte, mais l'agressivité pendant un certain temps. Mais après, le passage à l'acte, je parle notamment en termes d'agression ou autre, au sens large, je sais pas. Si ça a été vraiment retrouvé dans les études. En tout cas, celle que j'ai. Outre le fait de ça, est-ce que autour du truc, le jeu ça pue quoi ? Le jeu est nul à chier. Et voilà, est-ce que l'équipe derrière, Alors il y a un seul mec. Ça pue, c'est un seul mec et il a annoncé en défense : j'ai fait ce jeu pour les 4% de sociopathes dans le monde. Et donc le gars il a fait un jeu pour le buzz, tu vois. Donc, non mais coup, c'est ça. Alors je sais pas s'il a fait pour le buzz parce que vraiment ses lignes de défense étaient vraiment dégueulasses. Du genre c'était vraiment pour lui ça le faisait triper. Et alors si on va juste en fait, un peu final. Plus loin, mais si on va un peu plus loin dans l'analyse de la manière dont est structuré le jeu, par exemple le typique les archétypes qui sont dessinés dans le jeu, où et ben en fait ton héros, ton anti-héros, c'est un mec genre il ressemble au Kaïd dans Spider-Man, c'est un grand mec en costard chauve hyper baraque, et en face de lui il a des nanas avec des énormes seins etc, et il y a vraiment l'impression de je suis un mec, je suis plus fort que toi, je te domine et tu me résistes un peu, mais si jamais tu me résistes trop, de toute façon, t'inquiète, je vais quand même faire ce que je veux. Et typique au début, ça démarre sur une attaque de ISIS, le fameux groupe terroriste, et en fait, tout le monde meurt et il y a une bombe chimique, sauf qu'eux, ils sont au bureau et ils se font pas atteindre. Et genre, la nuit, ils disent, on va rester dormir au bureau. Et puis là, il dit, on te demande, est-ce que tu veux demander à Chrissy ou je sais plus comment elle s'appelle, de dormir avec elle sous le bureau. Alors, tu peux dire oui ou non. Si tu dis oui, tu vas avec elle. Si tu dis non, tu dors sur le bureau. Et quand t'es sur le bureau, le jeu te redemande : est-ce que t'es sûr que t'as pas envie de rejoindre Chrissy ? Et là, tu la rejoins. Et alors, mais alors là où ça, c'est complètement pété, c'est que quelques minutes plus tard dans le jeu, t'arrives à un endroit désaffecté. Et t'es avec une de tes collaboratrices. Alors, je sais pas si j'avais le choix d'en avoir deux ou pas, mais j'en avais qu'une. Et là, j'arrive et je vois une mère et sa fille. Sa fille doit avoir 20 ans et la mère doit avoir 40, un truc comme ça, difficile à savoir parce que c'est un peu des modèles 3D bien faits mais un peu standard quoi. Et en fait ils pleurent sur le cadavre du père. Tu as le choix de dire ou pas d'agresser les gens. J'ai voulu faire non et en fait il pousse la mère, quoi qu'il arrive, à sucer le père. Et on arrive à une situation nécrophile en gros. Ah oui, qui est mort. Et en fait, ça finit où la mère se fait mordre par le père parce qu'il se transforme en zombie. Et en fait, il y a un rapport sexuel entre le père zombie ou le père, enfin, mort zombie, qui couche avec la mère, qui tripote sa fille et qui se fait niquer par ton héros. Enfin voilà, on est sur ce genre de situation. Et plus tard dans le jeu, c'est là où j'ai eu game over, et là, je m'arrête juste là-dessus, c'est qu'à un moment donné, je rencontre une femme zombie qui arrive, et tu dois décider quoi faire, en sachant que tu ne peux pas partir. En gros, on te demande, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu la niques ou est-ce que tu la niques ? En fait, tu parlais de Call of Duty tout à l'heure, et je pense avoir mis le doigt sur ce qui me dérange entre guillemets, c'est que dans Rape Day, tu sens que tout a été fait pour répondre, à, des répondre à des fantasmes très sordides. Ouais, tu vois, d'accord. Alors que Call of Duty ou ce genre de jeu où tu tues sur des cibles, des êtres vivants ou des monstres, tu vois qu'il y a un côté ludique quand même. Qui est... oui. Ou qui peut servir un scénario, ou. Oui. Ça peut être bien fait et mal fait ou maladroit. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas là pour. Enfin, tu sens que le but premier n'a pas été de pas répondre à des fantasmes de tuerie dans ce genre de jeu. Ouais, alors que là, Rape Day, c'est vraiment l'apologie du viol à 100%, d'après ce que j'ai compris. Ah, ouais, alors moi, que Call of Duty et autres, c'est pas l'apologie de la tuerie. C'est... Le but, c'est avant tout de s'amuser. Mais quand on parle de banalisation ludique. Quand on parle de banalisation, pour le coup, je trouve que aujourd'hui, on vend à la pelletée des jeux qui banalisent le fait de tuer des gens. Et pour le coup, je comprends pas. Et ça dérange aucun de nous quatre, en fait. Non, non. Et c'est là où ça m'interpelle. Tu vois, c'est pourquoi ça nous dérange absolument pas qu'on aille tuer des gens dans des jeux. Et pourquoi. Alors, effectivement, je comprends hein, le fait que tout le jeu autour, que l'emballage. Parce qu'effectivement, les jeux où on va tuer des gens, le but. C'est pas juste de tuer les gens, le but c'est qu'il y a un autre but autour. Mais regarde, il y a des jeux qui font polémique où tu tues des gens, ou je sais plus c'était quoi le nom de ce jeu qui est sorti il y a quelques années, où tu joues un tueur de masse qui tue des innocents. Et le but de ce jeu c'est de. Enfin, l'un des buts c'est d'assouvir les fantasmes de gens un petit peu sociopathes quoi. Et là ça fait polémique. Mais... Comme GTA au début, enfin GTA 2, le but de GTA 2 c'est tuer des gens dans la rue quoi. Oui. Mais. Et moi, je comprends le problème que ça du jeu, c'est juste que le gars a voulu buzzer et fait un truc puant dégueulasse autour. Du coup, on lui supprime son mais jeu alors... et lui, on lui dit. Mais il y a quand même dégage, du coup, une voilà. grosse différence entre A-Trade et Call of Duty. Oui, bien sûr, oui. Oui, parce que le parce gars, que il Call joue of Duty, là-dessus. T'as le contexte de la guerre, bon, ok, la guerre, bon, c'est dégueu, mais oui. T'as un contexte. Mais du coup, il a été supprimé le jeu ou pas du tout? Alors, tu parles du jeu de viol? Ouais. Le jeu de viol, il a été supprimé de après coup, ouais. Il a été mis en vente. Il a été supprimé après quelques jours de discussion. En fait, parce ça a remis en question la politique de Steam. Ouais, qui disait normalement tout peut être mis sur nos trucs. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai réussi à trouver le jeu parce que évidemment, j'ai pas pu l'acheter et je voulais pas l'acheter. Mais en fait, je l'ai trouvé sur un site de Warez de trucs de pirates. Ouais. Et c'est le développeur lui-même qui l'a posté et qui a dit merci d'avoir accepté de mettre mon jeu donc gratos hein. Vu qu'il est piraté. Et donc le mec, il l'a mis, il a dit « Ah, merci d'accepter, voilà, j'ai fait un jeu pour, en gros, la liberté d'expression, enfin, tout ce bordel qu'on entend, genre, il a fait anti-système, machin. » C'est un Américain. Le pire dans cette histoire, c'est que s'ils avaient peut-être pas voulu l'interdire, on n'en aurait peut-être pas entendu parler. C'est ça, en fait. C'est un méga effet Streisand, c'est peut-être que le gars mais en vrai, le jeu... juste faire en sorte qu'on en entende parler juste parce qu'on voulait l'interdire. Parce que ouais. Mais je crois que ça a fait réfléchir des têtes chez Valve et qui sont en train de revoir leur politique. Il y a des jeux Steam chelous aussi. Enfin, oui. Des bons jeux japonais qui sont bien glaireux aussi. Et oui, les jeux VR où tu tripotes les meufs et tout, ça existe. Tu tripotes les enfants, quoi. Enfin, tu vois, oui. Hein. Ouais. Oui. Enfin, les enfants, on sait tout ce qui se passe, voilà. Mais, oui. Mais non, c'est pas des enfants, ils ont des oreilles de lapin. Ah oui, ah. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. C'est ça. Donc c'est pas des humains, donc ça passe. Ouais. C'est ça. Bon. Dans tous les cas, c'est un jeu nul. C'est un jeu nul donc, à chier. C'est nul. Et qui, voilà, qui n'apporte vraiment rien. Et là, par la gênance. Quoi. Voilà, on arrête d'en parler. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Pas merci. Le viol, c'est pas bien. On peut passer à la suite. Merci. Mais tuer des gens, c'est ok. Ouais. Alors, nous allons passer à la dernière partie. Merci à tous pour ces magnifiques découvertes. Pour la dernière fantasy, Aka. Il va nous parler d'une série Netflix. Une série nulle Netflix. Une série nulle Netflix. Allez. Non. Allez, avec de l'horreur. Mais série n'était pas nulle. Non, moi j'ai bien aimé la première qu'il ait conseillée. Merci. Celui-là, il est tout pile d'enfer. The Hill House. The Hill House, moi j'ai bien aimé. Beyblade. Ça, mais je suis de bon conseil. Hein. Non, mais c'était pas les Beyblade que on parlait de. J'avais parlé d'Hunter x Hunter. On dit Hunter. Oui, il a dit. J'avais dit Hunter. Pourquoi Hunter x Hunter, mais on dit Hunter. Et le X, pourquoi il est pas là? Parce que en japonais on dit Hunter. C'est Hunter. Okay. Et j'avais essayé de décrire un combat dans Hunter où. Avec des toupies. Où l'ennemi utilise des toupies. Et non, voilà, Hunter, c'est vraiment très bien. Mais Hunter, c'est bien. Oui. Ma description a été nulle, mais l'anime était bien. Mais non. Merci. Vas-y. Non, cette fois-ci, je vais pas parler de série Netflix. Je profite du fait qu'avec avec ma chérie, on a été à Disney récemment. Il y a 2-3 semaines, et je me suis rendu compte que j'avais vieilli quand le meilleur souvenir que j'avais de mon séjour, c'était pas des attractions, c'était pas Mickey, c'était les restos. Il va vraiment nous faire ça. Moi, j'adore. Merci, Aka. De rien. Une roco resto. Ouais. Donc, si vous allez à Disney, je vous conseille vraiment de faire des restos lors de la journée de chez Disney. Déjà parce que c'est bon. Enfin, en tout cas, sur les deux restos qu'on a fait, ça vaut vraiment son prix. Et ça te permet de faire une pause dans la journée. Parce qu'une journée de Disney, 9h-19h, c'est long. Et puis on a plus 20 ans. Hein. On a plus 20 ans, tu marches tout le temps. Alors quand tu vas... On a plus 30 ans. On a plus 30 ans. Moi encore. Moi j'ai encore 30 ans. Allez, vieux darons. Je suis le seul. Et nous, on a vraiment trop kiffé. On a été notamment au Resto des Pirates. C'est celui qui est à côté du manège des pirates. Le Captain Jack, ça s'appelle. Ouais, le Resto des Pirates. C'était Blue Lagoon, maintenant ça s'appelle Captain Jack. Il fait genre, mais il connaît tout par cœur. Et t'as Jack Sparrow qui est là. Le vrai. Le vrai, je crois. Oui, il avait l'air si bourré aussi tout le temps. Ouais, ils m'ont pas menti. Il vient, il prend des photos avec toi, il est drôle, il fait des blagues. Et je sais pas si vous voyez un petit peu l'ambiance. Non mais on voit dans la photo, mais quand t'es dans l'attraction. Tu vois, c'est dans l'attraction. Exactement, ouais. On dirait que c'est là qu'il y a les riches. Moi je disais ça quand mais en fait, c'est ce que je me disais aussi. Ça a vachement changé, Aka va le dire, mais il y avait une très mauvaise réputation avant. Ah bon? Où tu te disais genre, attends, à Disney c'est hyper cher, tu vas manger de la merde. Ça c'est vrai. Moi je pensais ça aussi. Et ils ont vachement changé. C'est pour ça que j'étais trop surpris. Ouais, donc en effet, le Resto des Pirates, c'est dans une ambiance de... Après ça reste cher comme par tout ce qu'il y a dans Disney, forcément. Mais tu rentres dans un parc, c'est cher. Mais ça vaut son prix. Le rapport qualité-prix. Là, le menu que j'ai pris au Resto des Pirates, c'était 60 balles, je crois. Entrée, plat, dessert. C'est pas du gastronomique, mais c'est quand même... Pour un resto à thème à l'intérieur d'un parc Disney... C'est pas très cher. C'est tout ce que ça représente Disney. Ouais. C'est devenu... Enfin, tu manges, disons, mieux par rapport au prix, quoi. Oui, parce qu'avant, pour la même chose, t'avais des hamburgers tout pétés. Voilà, c'est ça. Tout. Alors que maintenant, ça, quand même, ils ont un peu... Ah non, là, c'est une vraie entrée, un vrai plat, un vrai dessert. C'est vraiment... Mais avant, pour le prix, c'était vraiment horrible, quoi. Mais je pourrais pas comparer, parce qu'avant, c'est la première fois que j'allais dans un vrai resto à Disney, en fait. Donc, j'avais pas de moyen de comparaison par rapport à avant. En tout cas, l'ambiance du resto là des pirates, c'est vraiment celui-là que je veux conseiller, même si j'imagine que tous les restos à Disney valent le coup. C'est une ambiance taverne dans Pirates des Caraïbes, en plein air, mais en fait non, t'es à l'intérieur, mais en plein air nocturne. T'as l'impression d'être qu'il fait nuit. C'est comme si tu mangeais dans l'attraction. Tu manges dans l'attraction, à côté t'as l'eau qui passe avec les bateaux et t'as les gens qui te disent bon appétit, donc c'est rigolo. Donc avec l'eau, avec le bruit de l'eau qui coule, la musique des pirates que t'entends au loin, les bruits de canons, les serveurs qui sont déguisés, les lanternes qui pendent, les drapeaux pirates qui sont accrochés un petit peu partout, les chaises en bambou, t'es vraiment dans un autre monde. Est-ce que t'as bu du rhum? Non, j'aime toujours pas l'alcool. Même à Disney, ça va pas changer. Ouais. Je pense que c'est sûr, mais c'est quand même le décor qui fait beaucoup. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est le décor qui fait beaucoup. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas à quel point ça a influencé ça influence beaucoup, le goût. Forcément. Mais en tout cas, forcément. Hein. J'ai pris un filet de Wahoo grillé. J'ai jamais mangé du Wahoo. Et quand tu l'as mangé, c'est vraiment Wahoo. Wow. C'est vraiment super bon. Non, vraiment, j'étais vraiment agréablement surpris. Hein. Je pensais que ce serait beaucoup. Ça te fait penser à quoi? J'ai rien dit. À ce dont tu vas parler tout à l'heure. T'avais deux blagues, c'était les crêpes. Voilà. Allez, pas penser aux crêpes. Juste un petit conseil, si vous voulez faire un resto à Disney, il faut absolument réserver. Bien 2-3 semaines avant. Voire même plus, parce qu'il y a certains restos qui sont rapidement blindés, notamment le resto chez Rémi, qui est le resto le restaurant de Ratatouille. Ah bon? Alors, tu l'as fait? Non, on voulait le faire. On l'a réservé 2 semaines avant, c'était blindé. On en parlera après, fini, et je t'en parlerai parce que j'y suis allé. Ah ouais? Moi j'ai vu l'intérieur en tout cas depuis l'attraction et je trouve que l'ambiance avait l'air cool. Après je sais pas si c'est bon dedans. Fini, on en parlera. D'accord, ok. Bah je pense que j'ai tout dit. Juste aller au resto. Alors le deuxième resto où t'as été, c'était lequel? Le Steakhouse, mais c'était au Disney Village. Ah oui, parce qu'on a eu un petit souci. On a été bloqué à l'extérieur du parc Disney, on pouvait pas rentrer parce qu'il y a un problème de tourniquet. C'était juste on devait y rentrer parce qu'on avait une réservation dans le Steakhouse à l'intérieur, qui est là où il y a la partie western du parc. Ah, c'est le Golden Nugget? Non, c'est pas ça que ça s'appelle? C'est le Steakhouse Spur, un truc comme ça. Parce que t'as trois trucs, les trois restos, sache. Un petit fun fact sur Disney, c'est que t'as trois restos, t'as un truc avec Golden, il y en a un resto qui s'appelle Golden Nugget, l'autre il s'appelle Silver, je sais pas quoi. Silver et l'autre, pour Steakhouse. Ouais, voilà, c'est celui-là ça. C'est le Silver. Ouais. Et l'autre, c'est dans celui-là qu'on avait réservé. Ah, pour le bronze, bronze argent et or, ouais, pas mal. Bah nous on avait réservé le Silver Spur Steakhouse, mais on était coincé à l'extérieur du parc, on pouvait pas rentrer parce qu'il y avait un problème, une tourniquet, et que les employés nous disaient « Oh, faut juste attendre entre 5 minutes et 2 heures avant de pouvoir rentrer. » Et on avait réservé pour une table 15 minutes après. Donc on a fait « Bon bah fuck, en plus il y a des gens qui... » Il y a plus en plus de gens qui attendaient, ça mauvaise ambiance, tout ça. Donc on a fait demi-tour, on est au Disney Village, et on a réussi à avoir une table, d'ailleurs on était seul dans le resto, au Steakhouse, dans le Disney Village. Okay. Ouais, bon, on était seuls. On a réservé dans un autre resto, mais est-ce qu'on peut venir quand même? Attendez, je réfléchis des secondes. Oui, c'est bon, le resto est vide. Attendez, je regarde mon planning. Ouais. C'est tout vide. Ouais, mais du coup, c'était encore plus kiffant parce que on avait laissé. T'as l'impression qu'il y avait 2000 personnes qui attendaient. Et nous, on était dans notre petit resto, on était tout seuls à deux, c'était cool. Mais il valait le coup aussi, le Steakhouse. D'accord, j'ai commandé des ribs de porc quand le serveur est venu avec l'assiette. Mais des ribs, elles faisaient la taille de mon avant-bras. Non mais je pense qu'il m'a ramené la moitié d'un cochon. Ah, mais il t'a ramené en gros de ce que j'ai vu comme photo, je crois que c'est le double de ce qu'on sert en rib. Il a vu les yeux que j'ai fait quand il me l'a ramené. Il fait oui, je sais, personne ne finit. Bah, dans ce cas-là, pourquoi vous donnez autant? Et en effet, j'ai pas fini. J'ai mangé la moitié. Et il a pas pris. Après de tout, c'était qu'un animal. Hein. C'était bon. Je suis pas. J'ai pas pris de guibague. Je me suis pas baladé avec des ribs de porc dans mon sac. Enfin, moi, je refais dans les attractions. Ouais, je mais ça aurait pu être cool, c'est vrai. Et voilà. Après, bon, t'as la bouche dégueulasse. Donc, juste réservez au resto si vous voulez le faire. Et je vous conseille vraiment de le faire si. J'allais dire, c'est plus de 30 ans. Si vous avez de l'argent. Si vous avez de l'argent et si vous voulez faire une pause dans le séjour, quoi. Franchement, moi, je sais que maintenant, quand je retournerai à Disney, ce sera systématique, quoi. Parce qu'on a toujours plus un temps. Ah, toujours plus longtemps. C'est qu'on a un peu d'argent quand même pour aller au resto chez Disney quand même. Alors, mon prochain objectif, c'est de faire le restaurant de Ratatouille si le masque me dit que c'est bien. Ouais, je suis désolé, mais je vais te dire le contraire. Le resto de Ratatouille n'était pas très bon. Ah merde. Ouais, c'était pas ouf. Et on a pris des plats en plus, des menus différents qu'on a payé, je trouve, plutôt cher. On était autour de 40-60. Et c'était pas ouf. Par contre, à contrario, on a fait dans l'entrée, là, je sais plus comment, Main Street, juste au bout de Main Street, avant d'avoir le château avec l'endroit où il y a tous les chariots qui passent, juste à droite, il y a un type colonial américain, type Lincoln, époque de Lincoln, etc. Et ouais, c'est à gauche. Là, il y a les arcades. Ah non, à droite. Non, c'est vraiment à droite. À gauche, il y avait un truc de hot dog. Oui, c'est le truc de hot dog, ouais. À gauche. Connu, ouais. Ouais, et ben c'est de l'autre côté. À droite, je sais pas. Okay. Ah d'accord, ok. Et de l'autre côté, tu rentres et en fait, à l'intérieur, pour 27 euros, tu as buffet à volonté avec boisson. Et là, par contre, alors que le buffet à volonté, c'est pas flunch en fait. Oui. C'est vraiment très très bon. Il y avait du jarret de porc délicieux. Ça, c'est tout l'inverse de notre expérience, que nous, le troisième resto qu'on a fait, c'était un buffet à volonté, mais dans l'hôtel, et ça va, ça passait, tu vois, mais c'était nettement en dessous des deux autres restos qu'on a fait. Non, mais je pense qu'il y a vraiment des restos, malheureusement, Ratatouille, ça se veut cuisine française, mais c'est pas ouf. Celui de Ratatouille, il fait partie des hôtels réputés, avec l'auberge de Cendrillon, l'auberge de Cendrillon, j'en entends beaucoup parler, ça, par contre. J'ai 77 euros. C'est là où il y a les princesses qui viennent. Ouais. Ouais. Mais c'est celui qui est considéré comme un castro, entre parenthèses. Ah ouais. Ok. En tout cas, c'était une bonne reco. Oui. Avec un, pour une fois. Bien original. Merci. Pour une fois qu'on va pouvoir profiter de tes reco. Merci. Ah, PH, on voit, tu trépignes. Oh non. Ouais. Alors moi, comme je suis en présence de fin mélomane. Ah, cool. Je vais pouvoir donner mon avis. Voilà, c'est ça. Du hard rock. Je vais vous parler de musique. Voilà. Black Death Garage Metal. Pas du tout, pas du tout. Bon, ça s'en rapproche un peu, mais je vais vous parler de Stoner. Ok. Personne ne connaît. Je connais Hearthstone. Non. Mais non. C'est un genre. C'est un genre de musique, ouais. Oui. C'est quand les mecs ils chantent avec la voix grave. Non. Bah, avec des cailloux. C'est ça. Moi, je crois qu'ils tapent sur des cailloux. Numéro un, non? Le Stoner Rock. Donc voilà. Donc, comme on dit du Stoner ou du Desert Rock. Voilà. Donc, c'est un sous-genre de rock metal. Voilà. C'est du hard rock, ce que je dis. Non, on va arrêter cette mauvaise blague. Le C'est juste je précise, j'insiste, hard rock parce que ça rend fou PH. Non. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr. On sait que ça le trigger. Alors, comment définir un peu ce style? Donc, c'est du rock avec une rythmique hypnotique, assez simple, répétitive, où le chant est quand même mélodique, mais il peut être très rocailleux. Et ce qui définit le stoner, c'est sa lourdeur. C'est lourd comme musique, c'est vraiment très lourd. T'as énormément de basses. C'est un peu arrivé comme ça, c'est-à-dire que les gars se sont dit « Et si, moi, maintenant, je branchais ma guitare sur l'ampli de basse, et si je branchais ma basse sur l'ampli de guitare pour voir ce que ça fait comme son ?» Ce qui fait que t'as un peu les deux trucs qui sont, mélangés, et du coup, c'est hyper lourd, mais c'est quand même vachement... C'est hyper mélodique comme genre de musique. Je me méfie de tes goûts. Ah ben, ça reste... Quand tu parles de mélodique et que t'écoutes PNL... Non, mais il y a une mélodie... Ah ben, PNL, il y a de la mélodie. Ouais, une mélodie, ça veut pas dire oreilles, qu'on aime bien ou pas. D'accord. Il y a de la mélodie dedans. Ouais. C'est pas que du bruit, ouais. C'est ça que je veux dire. Il y a des suites de notes pensées pour faire une mélodie. C'est ça. D'accord, ok. Donc, en gros, il y a pas mal d'éléments de doom. Donc, le doom metal, c'est vraiment... Comme le jeu vidéo J'essaie de me raconter ce que je connais. C'est aussi fin. Alors, le parce que doom, dans Doom, il y a quand même du heavy metal, j'imagine. Non, non, c'est pas du... Bien sûr. Doom 2016. Non, mais c'est pas du heavy metal. Du hard rock. C'est du trash. C'est du... Ouais, voilà. C'est du... D'accord. C'est du trash. Pour moi, c'est violent. Il y a pas mal j'aime bien, mais heavy metal, c'est la musique des années 70-80. C'est ça. C'était cool, ça. C'est ça. C'est la bonne époque. Alors, je parlerai plus jamais de musique dans ce podcast. T'as beaucoup aussi, tu retrouves des éléments de psyché. Donc, le psyché, c'est toute la vague, c'est tout le rock 70. Qui a évolué, genre hippie, qui est très planant, très, je vais faire son airplane, des trucs comme ça, donc t'as pas mal d'éléments psychés dedans. De blues, pour la rythmique, c'est très groovy comme musique, comme le blues, tu vois, tu peux avoir, enfin, voilà. Il y a beaucoup de groove, et c'est très lourd comme musique. L'émergence, elle est apparue aux US, en Californie, forcément, dans le désert, voilà, au début des années 90. Pour vraiment, là où t'écoutes du stoner pour être vraiment dans ton élément, c'est que t'es sur une route aux États-Unis, en plein désert, tu roules la nuit, c'est le désert, et t'écoutes ça. C'est fait pour ça, le stoner. Voilà. C'est très spécifique. C'est très spécifique, ouais, c'est un genre qui est très spécifique. Et alors, un peu au niveau de l'histoire, le nom stoner, il vient d'une compile qui est sorti chez Roadrunner Records en 97, donc il y a un très très gros label de métal, qui s'appelle Burn One Up Music for Stoner. Du coup, on a appelé ça stoner. Il y a pas mal, il y a une grosse dérive quand on entend le terme stoner, c'est maintenant, stoner, quand on parle de films, ou de ça, c'est stoner, c'est de la musique, c'est des films de drogués, donc tout ce qui est... Ohio, ou tous les trucs comme ça, ou même les comédies avec Seth Rogen, enfin... Tout ça, c'est des trucs de stoner parce que c'est... Et tu retrouves ça dans la musique pour le côté planant et hypnotique. C'est-à-dire que c'est très... C'est pas comme si t'avais fumé un joint, mais c'est... Ça te met dans un état second. Ça te met dans un état de planant. Voilà ce qu'on va dire. Dans les années 90, donc comme j'ai dit, c'est l'émergence, t'as trois énormes groupes qui ont fondé le truc. Donc c'est Caius, Sleep et Monster Magnet. Donc c'est deux, les Q et Sleep, c'est des groupes californiens. Monster Magnet, c'est un groupe de la côte est. Ils ont digéré en fait toutes ces influences heavy, donc heavy metal, blues, aussi punk hardcore qu'il y avait dans les années 80. Donc c'est un énorme mélange, un énorme gloobie-boulga qui font de la musique planante, mais hyper vénère, hyper lourde. Qui défonce quoi. En gros, t'as les premières reviews des albums de Q's, c'est-à-dire que les gars, ils jouent tellement lourd et fort qu'ils arrivent à faire fondre le désert. Ça vient de ça, en fait. Les groupes qui les ont vraiment influencés, donc c'est des groupes comme Cream, Black Sabbath, Led Zeppelin, O'Queen, Black Flag ou Blue Oyster Club. Donc ça, c'est des groupes des années 70 qui sont un peu... Black Sabbath, tout le monde a déjà entendu. Enfin, c'est simple, hein, dès qu'on parle de musique, Black Sabbath a influencé n'importe quel groupe de musique. Voilà, donc les prémices en 88, Soundgarden, connaissez plus de... Pas du tout. Ouais. Black Olsen, le chanteur est mort il y a pas longtemps. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc en 88, eux, ils sortent, ils émergent avec le grunge, mais ils ont quand même des éléments sonores, donc, parce qu'ils sont beaucoup plus lourds que du Nirvana, par exemple. Ils sortent son premier album. En 92 et 91, Trouble et Cathedral, donc ça, c'est deux groupes de Doom, qui intègrent des éléments psychés dans leurs albums, qui donnent ce son, encore une fois, un peu stoner. Et ensuite, en 92, sort, là, t'as Q's qui sort Blues for the Red Sun, leur premier album, et Sleep qui sort Holy Mountain, qui reste aujourd'hui, pour moi, comme un des meilleurs albums de tous les temps, Holy Mountain de Sleep. On vous passera un petit extrait dans le podcast. Avec plaisir. D'autres groupes sont arrivés là-dessus, Fu Manchu, Clutch et Monster Magnet, qui sont vraiment des stéréotypes du genre. Et pour, un peu pour tout le monde, c'est un des membres de Q's, c'est quelqu'un qui est assez, vous ne peut-être pas connaître, mais c'est Josh Homme, donc qui est le fondateur de Queen of the Stone Age. Tout le monde a déjà entendu parler de Queen of the Stone Age. Donc Queen of the Stone Age, c'est un groupe de stoner, mais grand public. Voilà, et c'est eux qui ont fait connaître avec l'album Song for the Deaf, qui est sorti dans les années 2000. Et du coup, 2000. Ils ont édulcoré un petit peu le genre ou... Ouais, c'est un peu moins vénère, quoi. Un peu moins vénère. Mais c'est un peu moins toujours lourd. Ce côté groovy et lourd qui donne les caractéristiques du genre, quoi. Et donc, du coup, depuis, t'as toujours un peu les mêmes groupes qui tournent et de jeunes groupes qui font... C'est pas un genre qui est mort, quoi. Pas du tout, pas du tout. Continue. Mais c'est tout, c'est vachement spécifique comme genre, c'est-à-dire que t'as peu de variations, mais t'as toujours quelque chose de nouveau qui sort. Est-ce que si tu tapes Stoner sur Spotify, tu tombes facilement sur... Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vraiment un tag connu. Bien sûr. C'est vraiment très très connu, quoi. Enfin, très très connu quand t'écoutes... Je fais exprès de mettre à la place du novice pour... Du métal. Bah, en fait, tu te mets à ma place où j'avais posé la même question. Je pense que, moi, j'écoute de la musique tout le temps. J'écoute vraiment de la musique, je veux dire. Comme toi, d'accord. Et je me dis, ça, je vais écouter. Dommage, je vais lancer. Je vais aller sur Deezer. C'est parfait pour rouler en voiture, je trouve. Quand t'as des longs trajets à faire... C'est de la musique qui accompagne, quoi, tu vois. Ouais, je vais rouler, alors je vais sortir de chez moi. Ou je vais aller, je pense que je vais lancer GTA V, je vais me mettre dans une voiture, un peu rouler, voilà, je vais voilà, me mettre voilà, du stoner à fond, et je vais rouler, comme ça, ça m'évite de sortir de chez moi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette reco. Merci PH. Après cette magnifique musique mélodieuse, de quoi vas-tu nous parler? Je pense savoir. Tu vas nous parler de cinéma? Non. D'animation? Non. Non, je vais vous parler d'une chaîne YouTube d'histoire. Moi, je sais de quoi il va parler. Et là, il me regarde avec des yeux interrogatifs. Tu vas parler de Nota Bene? Non. C'est seul... Non, bah non, parce que c'est la seule chaîne YouTube. Non, j'ai crois deviner. Je vais vous parler d'une chaîne YouTube que j'écoute régulièrement lorsque je joue. La chaîne YouTube de Sam Vostok. J'ai trouvé. Il l'a fait. Oui, je l'ai fait. J'ai fait trois sujets sur le même jeu. La trilogie. Au revoir. La trilogie du samedi, c'est tombe bien. Voilà. Donc Sam Vostok qui fait partie de Millennium, je crois. Ouais, il joue toujours, je crois. Ouais. Et en fait, il a une chaîne où en fait, il fait des vidéos de 1h30 à 2h. Alors, j'en ai vu une aujourd'hui, elle était courte, ça faisait que 50 minutes, et où il retrace l'histoire de personnages ou de factions ou de l'histoire d'une race ou l'histoire d'un lieu. Et en fait, t'as pas dit que c'était World of Warcraft. De World of Warcraft. Ah pardon, j'ai oublié de préciser. Bah oui. Ouais, pas de Warcraft en général. De Warcraft. Voilà, de Warcraft, de l'univers étendu de Warcraft, c'est-à-dire les jeux Warcraft, les romans parce qu'il y a des romans, les BD, et du coup il y a même d'ailleurs depuis quelques années les bouquins Warcraft Chronicles qui parlent vraiment de l'histoire du monde d'Azeroth qui n'invente rien Warcraft Chronicles ça reprend l'histoire ça reprend officielle en fait, hein. Ouais. Déjà non je sais où, pas où ça je pense qu'il comble certains trous de nouveaux éléments je pense qu'il comble certains trous ouais. Parce que il avait l'air quand même Sam Vostok de connaître bien son sujet et il y a certains trucs où il dit bah ça ils l'ont dit dans Chronicles avant il y a quelques détails quand même qui ont été éclaircis ouais mais du coup c'est vrai que quand il fait des D'ailleurs, ils sont magnifiques ces bouquins. Ouais. Mais j'ai lu que le premier, mais ouais, franchement, très très beau bouquin. Et donc la chaîne de Sam Vostok, moi je l'écoute genre actuellement, comme je le disais tout à l'heure, je monte. En fait, tout va être lié dans tout ce que j'ai dit. Comme je le disais, en fait, je me suis rendu compte que je passe à côté de plein de contenus des extensions, donc je refais toutes les extensions en lisant les quêtes, ce qui me prend un temps fou. C'est pas compliqué, j'ai commencé genre en octobre ou en novembre. Je suis encore en train. Là, je termine Cataclysme, donc la troisième extension. Et je lis toutes les quêtes, donc je fais 5 personnages en parallèle. Et en fait, je lis les quêtes, et après, quand je pars pour tuer des monstres, vu que c'est pas très intéressant de juste tuer des monstres, sauf quand les musiques sont vraiment cool, auquel cas j'écoute les musiques, mais quand les musiques sont sans plus, ben en fait, je me mets une vidéo de Sam Vostok qui traite d'un truc en rapport avec ce que je suis en train de faire. Genre, aujourd'hui, j'étais dans les Hautes Terres du Crépuscule, qui est une région de Cataclysme, dans laquelle il y a notamment toute une histoire avec Shogal, qui est un ogre à deux têtes, et il y a aussi toute l'histoire d'Eldemort. Et j'ai écouté toute l'histoire des ogres, et après j'ai commencé l'histoire d'Eldemort. Et en fait, à chaque fois, il retrace en fait historiquement sur les ogres. Il parle d'où ils viennent, de leur monde, de la généalogie, c'est-à-dire que en fait, c'est des races qui descendent de telles et qui sont dérivées comme ça, etc. C'est super intéressant. C'est super intéressant, et en fait, on se rend compte que le lore de Warcraft est énorme. C'est juste hallucinant. C'est hallucinant. Toutes les factions, toutes les races, etc., ça, on les croise et on les rencontre un peu dans le jeu. Mais putain, tout ce qui se passe, les interactions qu'il y a entre les différentes factions, entre tel personnage qui fait ci, puis qui plus tard fait ça, etc., je trouve que c'est... Sur la durée aussi. C'est monstrueux. Temps, ouais. Voilà, et en fait, quand je faisais les quêtes de Burning Crusade, donc la première extension, j'ai redécouvert des trucs en me disant: ah tiens, mais ce personnage-là, on le voit ici pour la première fois, notamment Garrosh. Garrosh, ouais. Voilà, genre Garrosh, moi je l'ai pas plus suivi que ça. Garrosh qui devient beaucoup plus tard chef de la Horde, puis un grand méchant. Hein. Et ben en fait, on le voit pour la première fois dans Burning Crusade, donc en 2006, ouais, ou 2007, je sais plus quand c'est sorti exactement. Et en fait, c'est là qu'il commence, et c'est un personnage qui a été créé à ce moment-là. Bref, donc je trouve que... Et puis, autre fun fact par rapport à ça, je me suis rendu compte que dans Burning Crusade, dans la même région de Nagrand, il y a un chasseur de démons avec lequel on peut discuter, qui nous donne des quêtes. Qui est avec son Drake du néant, oui, et il donne des quêtes. Et en fait, ce même gars, tu le revois dans Légion, qui est l'extension qui est sortie il y a 2 ans, et c'est l'un des mecs qui peut te servir d'homme de main quand tu crées un chasseur de démons toi-même, à la fin de toute la création de ton personnage, où tu apprends un petit peu à faire les quêtes, etc. C'est celui qui veut suivre les préceptes d'Illidan ou... Non, c'est l'autre. C'est celui qui est dissident d'Illidan, ouais. Ok. Voilà, et je me suis dit, ah, mais ce mec-là, j'ai déjà vu. Ah, bah oui, en fait, il était dans Burning Crusade. Voilà, et en fait, tu te rends compte qu'ils reprennent, enfin, qu'il y a une cohérence narrative qui est juste assez énorme. C'est fou quand tu vois le travail qui est fait par rapport à ça, et qu'au final, il y a une très petite partie des joueurs qui en profitent pleinement. Ah, carrément. Ouais, j'en suis un exemple. Je pense qu'il doit y avoir 5-10% des joueurs qui s'intéressent vraiment, vraiment. J'en suis un exemple. Je veux dire, comme je disais, ça fait 15 ans que je joue et ça fait 6 mois que je m'intéresse vraiment au contenu du jeu, à l'histoire, et je me rends compte que d'un côté, je me dis, putain, je suis passé à côté de plein de trucs, mais d'un autre côté, je suis content parce que là, je découvre une histoire juste faramineuse et j'ai hâte, tu vois, d'aller plus loin. Tout à l'heure, tu parlais de Mist of Pandaria. Je sais que c'est une extension que j'ai très peu fait. Je sais globalement le grand arc narratif, ce qui se passe, mais j'ai aucune idée des détails, donc j'ai hâte d'y être, tu vois. Donc voilà, je trouve que la chaîne de Sam Vostok est une grosse source de connaissances sur le sujet. Il y a beaucoup d'informations à digérer, c'est compliqué. C'est la référence en France, en chaîne YouTube française. Ouais, je crois, j'en ai écouté une autre dont j'ai oublié le nom, un mec qui est belge, je crois, vu son accent. Ouais, mais lui, ça fait longtemps qu'il est là aussi, Sam Vostok. Sam Vostok, ouais. Et il continue à sortir des vidéos. Ouais, ouais. Voilà. Tu vois que le mec, il fait de la recherche derrière. Ouais. Ouais, on voit que le truc est super préparé. Et puis en même temps, pour tenir 1h30 ou 2h sur un sujet, il faut de la matière, mais il faut l'avoir trouvé et mise en ordre, quoi. Donc non, c'est un gros boulot derrière, donc vraiment, gros GG à lui. Et voilà, donc pour ceux que ça intéresse, l'histoire de Warcraft, je recommande. J'allais justement aller dans ce sens-là, parce que même en lisant les quêtes simplement, tu as du mal à avoir le lore. Oui, tu as du mal à faire le lien entre tous les trucs. Donc mon objectif, pour ceux qui connaissent, c'est d'avoir le titre Maître des Traditions. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ça veut dire avoir fait toutes les quêtes du jeu. On en reparle dans... Qui est de plus en plus dur à faire, du coup, 20 ans. Vu que la condition du titre change à chaque extension. Bah oui, parce qu'il faut avoir... Faut avoir tout. Ouais. Sauf que j'avais déjà fait Légion pour avoir le vol et j'ai déjà fait BFA. Donc maintenant, il ne me reste plus que les anciennes. Quoi. C'est bon, j'y suis presque. Dans 6 mois. J'avais essayé de le faire à l'époque de Votlake et il manquait tout. Enfin, pas tout. Il manquait une ou deux régions de Kalimdor. Mais j'ai fait tout Royaume de l'Est, tout Kalimdor, avant Cataclysme en fait, du coup. D'accord. Eh bien, merci. Mais de rien. PE. Monsieur qui joue qu'un seul jeu. Alors, moi, je vais vous parler d'un film, mais avant tout, j'aimerais. Comme certains l'ont fait ce soir, raconter un petit peu l'origine de la découverte de ce film. En fait, j'étais chez des amis d'enfance qui s'appelaient Julien et Rémi, si jamais un jour ils écoutent. Voilà, salut. En fait, ils avaient une VHS qui était cachée dans un meuble de télé qu'ils avaient chez eux. Et cette VHS-là était vraiment spéciale parce que quand ils l'ont sortie, ils m'ont rien expliqué, ils m'ont juste donné la VHS. Et d'ailleurs, c'est ma sœur qui l'a sortie du meuble de télé et qui... en fait, avait décidé qu'elle allait l'emprunter à mes potes. Et en fait, on ne savait pas ce qu'il y avait dessus. Alors la cassette, en fait, elle était bleu clair. Et on voyait un lit qui s'envolait dans les airs au milieu de plusieurs buildings. Et le lit était poursuivi par des sortes de tuyaux qui étaient clairement mis en place comme des tentacules monstrueuses, comme ça, qui attaquaient le lit. Et sur le lit, il y avait un homme qui était assis en train d'hurler en pyjama. Et donc il y avait une sorte de vision un peu d'horreur de ce truc-là, mais à la fois les couleurs étaient assez... c'était bleu clair, donc c'était assez jovial. Et donc je me souviens avoir retourné la VHS pour voir les photos comme on fait pour n'importe quel DVD ou je ne sais quoi. Et en fait, j'étais complètement traumatisé parce que j'ai vu derrière. En fait, derrière, il y avait le visage d'une femme hyper maquillée avec des yeux bleus, un gros rouge à lèvres, et la peau des joues était complètement tirée, comme si la peau était élastique, comme ça, toute tire en un, quelque chose de vraiment monstrueux. Et donc, moi, j'ai reposé la cassette, je la voulais pas, mais Pauline voulait la récupérer. Donc, en fait, on l'a récupérée, sauf que je l'ai jamais regardée. Et mes potes m'avaient dit, waouh, ouais, c'est un film, il est trop bizarre et tout, on comprend rien, c'est vraiment trop bizarre. Et en fait, je l'ai pas regardé. On l'a récupéré, je l'ai pris chez moi, je l'ai jamais mis dans le magnéto. Et en fait, c'est 10 ans plus tard, plus de 10 ans plus tard, en fait, quand j'étais en école de ciné, avec PH, en fait, le nom du film est sorti et on m'avait dit « Il faut que tu vois ce film, c'est complètement ouf. » T'avais pas fait le rapprochement ? Hein ? T'avais pas fait le rapprochement ? Avec quoi ? Bah avec la cassette, justement. Ah ben, non, alors si, parce que le nom du film, je l'avais. Ouais, tu l'as je m'en souvenais très bien. Ah, okay. Et donc quand on m'a dit « Il faut que tu regardes le film Brazil », je me suis dit « Ils sont sérieux, là ?» L'espèce de VHS qui m'avait terrorisé quand j'étais môme. Et en fait, quand j'ai lancé le film, je m'attendais à avoir un film d'horreur. Et en fait, c'était pas du tout un film d'horreur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est devenu mon deuxième meilleur film. Mon film préféré, c'est Blade Runner. Et ce film-là, c'est mon deuxième film préféré. Et d'ailleurs, les deux partagent une esthétique très particulière dont je vais parler. Et du coup, est-ce que tu n'aimes que les films qui commencent par B ? C'est ce que je me posais comme question. Ouais. Non. Non, mais ça aurait pu être vraiment magnifique. trop bon film, Basic Instinct. Ouais. Excellent film. Blade Runner, ouais. Le premier. Même si le deuxième, ça passe, mais c'est pas... Voilà. Alors, l'histoire de Brazil. Alors, Brazil, c'est un film de Terry Gilliam, donc un ancien des Monty Python, qui est sorti en 85. Au niveau du scénar, on a Top Stoppard, Charles McKeown, c'est dur à dire. Et en fait, Charles McKeown et Terry Gilliam, en fait, ils sont croisés sur... les deux ont scénarisé, en fait, ils sont croisés sur Sacré Graal. Il était lui dans... donc pas Terry Gilliam était dans les acteurs, mais l'autre était complètement dans les figurants. Et en fait, ils se sont croisés, ils commencent à discuter, ils se sont bien entendus. Et c'est ensemble qu'ils ont fait... ils ont écrit le scénario du Baron de Munchausen. Et ensuite, ils ont réécrit ensemble le scénar de Brazil. Au niveau des acteurs, on a de très très grands acteurs. On a Jonathan Pryce qui joue l'acteur principal. On a Robert De Niro, Bob Hoskins, qu'on connaît pour le rôle de Mario dans le film Mario Bros., mais dans d'autres super aussi. Rôle, super rôle. Super hein. Rôle. Rôle de composition. Ouais, mais truc de ouf. Et Ian Holm, donc Bilbo le Hobbit, dans la série la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et il y a la fameuse mère qui a le visage tendu à un moment donné, qui est jouée par Catherine Helmund. Et en fait, c'est en faisant des recherches, je me suis dit, cette femme, j'ai tout de suite su d'où elle venait. Et en fait, elle joue Mona Robinson dans Madame est servie. En fait, c'est la mère dans Madame est servie. C'est la mère de... C'est pas la mère, l'actrice principale, c'est sa mère. J'ai jamais vu Madame est servie. Moi non plus. Je sais pas. Parce que je suis trop vieux, en fait. Et t'as fait une école de cinéma. Et j'ai fait une école de cinéma. Mais alors, juste pour... Mais vous... le truc avec le visage tendu... Mais c'est hyper connu. Ça me fait penser à, par exemple, Hellraiser ou ce genre de choses. Alors... Oui, parce qu'en fait, alors, il y a la même image. La peau tirée un peu comme ça. Ouais, ouais. C'est pas... Mais dans Hellraiser, c'est par des crochets. Ouais. Et là, c'est par des sortes de pinces à linge. Ouais. Ah, ok. En fait, elle se fait faire un lifting et il lui tire la peau. Ça reste soft, alors. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah non, non, non, non. Ça fait flipper. Hein, ça fait flipper. Quand tu vois cette image-là, c'est hyper dérangeant. Quoi. Ah oui, oui, oui. Okay, mais okay. C'est pas dans le sens... C'est pas horrifique. C'est pas horrifique comme peut être Hellraiser. Quoi, mais... En fait, c'est... Quand c'est mis... D'ailleurs, dans la mise en scène dans Brasil, c'est absurde. Normalement, tu as juste dire Terry Gilliam et tu dis « Ah, ok ». Ouais, voilà, c'est ça. C'est perplexe, mais c'est rigolo. Quand tu la vois, elle est chez le chirurgien esthétique et elle se fait un lifting. Avec des pinces à linge. Avec des pinces à linge. Donc c'est hyper burlesque, quoi, même limite. Alors moi, j'ai mis ça comme genre, mais ça, c'est pas un vrai genre. Mais pour moi, c'est une comédie romantique dystopique. Parce qu'en fait, ça raconte l'histoire de Sam Lowry. T'aimes bien le mot dystopique. Ah, j'adore ça. Ouais, je sais. J'adore. C'est un mot de l'amour. Pour moi. Donc c'est l'histoire de Sam Lowry, un bureaucrate dans un pays totalitaire. Donc sa vie, elle est assez triste. Tous les soirs, il fait le même rêve où en gros, il s'évade complètement et il se transforme en une espèce de chevalier avec une armure complètement magnifique, argentée. Il a des grandes ailes et il vole au-dessus des territoires. Et soudain, il voit une femme magnifique qui, dans la réalité, il ne la connaît pas. Mais il a une vision hyper claire d'elle. Et elle est dans des draps et à chaque fois, il va la sauver, etc. En fait, un jour, alors qu'il est en train de taper sur sa machine une énième condamnation où la police doit aller chercher une espèce de résistant, en fait, il y a une mouche qui se coince dans la machine à écrire et en fait, il y a une faute d'orthographe qui se crée et en fait, au lieu de taper un B, il y a un D qui se met dans le nom du fameux criminel et en fait, ça démarre sur l'arrestation manu militari avec des flics qui découpent le plafond de l'appartement du mec, ils descendent, le mec il est en train de manger avec sa femme et sa gosse et en fait, il se fait prendre par la police, par l'espèce de SWAT, c'est ultra violent et bon, ça fait vraiment un très film totalitaire, etc. Donc là, pour le coup, le ton, il est assez sérieux et c'est ça qui est assez cool dans le film, c'est qu'il y a un mélange sur des moments très très absurdes, des moments oniriques vraiment complètement perchés, et des moments super sombres, super noirs. Ça rappelle d'ailleurs, il y a un gros clin d'œil à 1984 hein, qui est évident, tout dans la structure de la société, dans la manière de répression, dans le fait qu'il y ait des écrans partout, qu'il y ait de la publicité, etc. C'est vraiment très très marqué. Et en plus de ça, il y a pas mal de clins d'œil. Alors, par exemple, il y a des clins d'œil à Psychose, au Sentier de la Gloire de Kubrick. Il y a le Triomphe de la Volonté de Leni Riefenstahl. Et en fait, c'est au tout début, c'est juste une phrase. Et en fait, c'est exactement ce qui se dit dans le film de propagande. Pour les gens qui ne savent pas, Leni Riefenstahl, c'était la réalisatrice attitrée d'Hitler. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Et donc, il a fait tous les films de propagande nazie. Voilà. Et donc, le film Brasil démarre sur un clin d'œil à une phrase, à une punchline nazie, voilà, pour démarrer un petit peu, pour mettre un peu l'ambiance. Et il y a des petits voyages cuirassés Potemkin où au lieu d'avoir le berceau qui tombe dans les escaliers, c'est une femme de ménage qui se fait tirer dessus par un caillou qu'elle prend pleine tête, elle lâche son aspirateur et en fait c'est l'aspirateur qui tombe dans les escaliers comme dans le cuirassé Potemkin. Enfin voilà, c'est plein de cadeaux un peu étrange. Alors, de temps en temps, c'est super drôle. Et à la fois, il y a ce côté hyper baroque, rétro-futuriste des immeubles où tout est hyper élancé, où l'homme est complètement écrasé par la bureautique pendant tout le début du film. Mais après, c'est carrément dans les décors, etc. C'est assez ouf. Et pour moi, la DA, elle est complètement pétée. C'est vraiment super bien. Et il faut se laisser aller, quoi. Faut rentrer dans le film. Faut se laisser aller. Ça, c'est une course-poursuite. Le mec va devenir complètement hors la loi. Et il va découvrir des nouveaux persos. Il va découvrir le fameux résistant qui aurait dû se faire normalement emprisonner. Moi, ça me met mal à l'aise de ouf, ce film. J'aime pas ce film. Pas parce que c'est pas un bon film ou un truc comme ça, mais je peux pas. Ça me met mal à l'aise. Il faut avoir un lâcher prise, de dire ouais. si je suis mal à l'aise, c'est ce qu'on me demande de ressentir. Ouais, bien sûr. En général, normalement, les gens ont vu L'Armée des Douze Singes, qui est quand même le film le plus connu de Terry Gilliam, et tu retrouves cette espèce de comédie tragique où les gens, t'as l'impression que les gens, ils savent pas ce qu'ils doivent faire, ils sont un peu. T'as un côté foutraque qui te met super mal à l'aise, en fait. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. C'est ça. Pour l'anecdote, là vraiment je m'arrête là-dessus, l'histoire de la mouche. En fait, le film s'appelle Brasil parce qu'un jour Terry Gilliam il faisait un repérage pour un autre film avant et il était en Irlande et en fait il arrive sur une plage et la plage a été noire de charbon. Le sable était noir, il a dit, et à ce moment-là, il a vu un ouvrier qui était complètement tout crade, et en fait, il était avec un petit transistor en train d'écouter la radio, et là, il y a la musique Brasil qui est sortie, qui est la musique hyper gay qu'on connaît, et en fait, il a été choqué par cette image du mec, qui vit dans un endroit complètement sinistre, avec un métier horrible, et qu'il est là en train d'allumer un transistor qui lui balance un truc violent en fait. Parce qu'il y a un paradoxe qui est tellement gigantesque qui crée une violence considérable. Et donc c'est pour ça qu'il a pensé à ça. Et il s'est dit, je vais mettre la musique Brésil pour créer le contraste avec ce monde totalitaire. Et l'histoire de la mouche, à la base, le film devait démarrer sur cette mouche qui part de la forêt amazonienne au Brésil, qui se fait raser par des bulldozers. Et en fait, cette mouche va monter jusqu'aux États-Unis pour aller dans ce fameux pays totalitaire, pour aller créer le chaos dans l'arrestation, etc. Voilà l'histoire de ce... Pourquoi et ça, tu le vois, le truc de la forêt amazonienne et tout ? Et non, ça a été coupé pour des raisons budgétaires. Ah, voilà. Dommage. Petite anecdote. Derrière les fagots. Bah, merci, bon, merci. Hein, ça a l'air cool. Et bien, merci à tous d'avoir été là. J'espère que tout le monde a pris son pied. Oui. Oui. Ouais, c'était cool d'être de retour. Et ouais, en espérant que le prochain épisode soit pas dans trop longtemps, on va essayer de s'organiser. Oui, exactement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Merci PH, merci PE. À plus. Au revoir. Bonne soirée. Bientôt.